quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, la grande carême? La Caraboc à la grande carême sur le 101.1. Hier, la Caradoc s'est auto-censurée. Sous la pression d'un journalisme impérieux, nous avons décidé, quelques minutes avant le début de l'émission, de ne pas diffuser un des enregistrements préparés durant notre immersion dans le quartier. Cet acte allant à l'encontre de notre éthique. Aujourd'hui, la Caradoc s'écrit. La Caradoc. La Caradoc, Caradoc, Caradoc. On s'y sent chez soi, hein? Bah, la caravane, déjà, elle est super mimi. Moi, la caravane, j'ai... Enfin, moi, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit que ça ressemblait un petit peu à un petit bonbon, hein, en fait. Je pense qu'on n'a pas choisi d'avoir une caravane de briquet de broc. On a cherché une caravane, on a trouvé une caravane à la Tremblade. Et donc, après, je l'ai cherché. Ouais, et après, vous avez fait des travaux à Soyaux, dans la coloc où moi j'habitais à ce moment-là. Et à partir de là, en fait, on a commencé à l'habiller. En fait, au début, on s'est dit, on va l'insonoriser. Donc, on a commencé à faire les travaux à l'intérieur et tout. Puis, on a fait des roulements comme ça. Moi, je suis arrivée, la Caradoc, elle était toute pimpante. Bon, il se trouve qu'il y avait une petite fuite et que le premier jour, on l'a ouvert, il n'y avait plus dedans. Mais non, moi je suis arrivée là cette semaine en fait dans la Caradoc. Ben moi je me rappelle d'un moment collectif qui était chouette où j'ai fait de la couture pour les coussins avec des tissus qu'on avait récupérés à Emmaüs, que Céline avait récupéré à Emmaüs. Un velours tout doux, elle est toute douce la caravane. Déjà c'est une petite caravane des années 70, alors elle a une forme légèrement un peu arrondi sur le toit là. On avait tout enlevé, on avait mis de la ouate de cellulose comme ça, des grosses plaques de, et puis on était venu agrafer les tissus par dessus, et puis avec l'idée qu'on se fasse, on avait enlevé l'évier, les machins, et... Au niveau phonique aussi quoi, de mettre un peu de mousse et tout ça, et de tout défoncer à l'intérieur pour faire un salon quoi. Les gars avaient pas mal fait de choses déjà dans la caravane par rapport au mur plein de velours aussi, mais c'est ça qui est cool je pense, enfin moi je suis pas du tout là-dedans, je suis trop nulle avec mes mains, et du coup c'est aussi ça qui est cool, enfin parce que je connais la Caradoc surtout depuis qu'elle est tenue par vous, et vous êtes que des filles, et que je trouvais ça quand même chouette de me dire bah elle se lance dans un truc où faut réparer plein de choses et tout. Enfin, moi, c'est pas des domaines dans lesquels je suis à l'aise, et que quand même, je trouvais qu'il y avait un peu un truc féministe. On a dû garder cette caravane parce qu'on avait juste pas les thunes pour en racheter une. Au final, on s'est attaché à cette caravane, donc on est content de la réparer. Sur le moment, non, mais après, on est content qu'elle soit réparée. Vous avez commencé par des petits travaux, sûrement, avec les petites choses qu'on avait cassées. Dernier virage, on arrive en Angoulême, mais on était à 50 mètres de mais vraiment du garage. Et Gauthier, il fait ouais, vas-y, je vais faire la manœuvre, parce que c'était très serré quoi. Et il avance, puis on entend crac comme ça, et en fait, il y a un bord de la caravane qui était carrément éventré quoi. On a réparé la fenêtre parce qu'il y avait une fenêtre en plexi qui était pétée, et on a mis une planche de bois à la place de la fenêtre, donc c'est vrai que niveau luminosité, c'est. On a fait des travaux avec cette putain de rouge, ok. Cette putain de rouge au quai. Moi, je l'ai presque pas vue quand elle était en travaux, la caravane. Je l'ai découverte. Je l'ai découverte quand les travaux étaient finis. Et non, à part remonter le rideau de temps en temps et la sortir du garage, quoi. Alors, après, la Caradoc, elle a été stockée dans une coloc de Raphaël, tout ça, dans leur garage, là. Et puis, au fur et à mesure, vous avez demandé une clé et vous avez eu une clé de chez nous. Et là, bah. On entendait juste clic-clac, et vous arriviez et vous preniez la Caradoc et vous vous barriez. Alors, depuis que le garage. Depuis que ça fonctionne pas, et bah, Marie, elle envoie un petit message pour dire qu'elle arrive, et donc nous, on se prépare, on mouline. Mais alors, le moulinage, c'est 5 minutes non-stop et ça fait les bras, et on est obligé d'être à deux parce que sinon, c'est pas possible. Et ce qui est super, c'est quand les gens de la Caradoc sont pressés de repartir. Et que du coup, bah, ils partent en disant « Désolé, on n'a pas eu le temps de refermer. » Du coup, bah, bon courage, bisous. C'est ce que j'aime dans les aventures collectives. C'est la possibilité qu'on a de toujours trouver de l'énergie en soi. C'est ce que j'ai toujours aimé dans les tournages ou dans les autres expériences associatives que j'ai pu faire. C'est un moment d'être à 200% toutes les antennes dehors pour capter l'énergie des gens, pour capter les nécessités. On essaye d'être un petit peu là. On est venu faire à manger, on essaye d'être là un peu aux émissions. Et d'ailleurs, on fait pas que mouliner la porte du garage, mais on mouline aussi les œufs quand on fait des gâteaux au chocolat. En fait, on est parti dans la route de la Dordogne à se passer un peu. On avait trouvé des points d'intérêt où on voulait se placer. Et en fait, ce qui était génial, c'est que à chaque fois, on se retrouvait dans un lieu, on remplissait pas du tout la mission qu'on s'était donnée, quoi. Enfin, moi, j'avais le sentiment, enfin, qu'on est, enfin, tous sur la même longueur d'onde. Enfin, avec cette idée d'abord d'être au plus près. De, ben, des gens, c'est presque de l'hyper local en fait qu'on fait, il y a un peu ça, mais d'être avec eux, de faire les choses avec eux, de leur laisser la place, de leur laisser un micro. Ouais, c'est l'idée d'une immersion en fait. Moi, j'aime bien essayer de comprendre ce qui se passe à un endroit et passer par la parole des habitants pour comprendre. Il y a d'abord un a priori, tu rentres dans un quartier ou dans un village. Et tu vois un urbanisme ou la gueule des rues ou. Non, je me souviens à Gura où il y a eu une soirée qui était incroyable, où donc des gens qui étaient dans le bar associatif sont venus. On a fait une séance d'écoute et donc vous aviez passé le son que vous aviez fait du routier. Et là, il y avait un jeune agriculteur qui était là. Et en fait, c'est tellement reconnu dans les propos du routier, ça a tellement fait écho à son histoire que là, il a vidé son sac, en fait, il a tout dit. Moi, je me souviens de ce témoignage qui était incroyable, de détresse, de sincérité, de force. Ce qui était beau, c'est que c'est un discours qu'il n'avait pas tenu, enfin, comme si ses voisins de table du bar, en fait, découvraient sa vie, quoi, vraiment. Quoi. C'était genre, ah ouais, je savais pas que tu avais vécu ça. Je trouve que c'est rassurant comme espace et que c'est chouette de créer un lieu comme ça qui sort un peu de... qui est dans le public, mais qui crée un cocon intime et qui est accueillant et qui est pas, enfin, qui peut pas, qui est pas stressant pour les gens, parce que je trouve que c'est un peu, ça peut être un peu stressant un plateau radio. Cette immersion d'arriver dans un territoire qu'on ne connaît pas et de se retrousser les manches à fond, de sortir les micros, d'être dans un dispositif où justement on casse la frontière, on se pose pas de fausses questions à se dire « Ah, peut-être que les gens, il faut les approcher avec douceur, peut-être qu'il faut avoir une espèce de technique d'approche sur le long terme. » Non, en fait, c'est débouler chez les gens et en fait, ça marche. J'avais fait une balade dans le quartier avec les jeunes que j'avais rencontrés au CAGE et ça m'avait bien marqué parce qu'ils se sont tout de suite prêtés au jeu. Tant qu'il n'y avait pas de caméra, ils voulaient bien se prêter au jeu. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que la caravane et le fait de se poser quelque part avec un micro, ça pouvait vraiment apporter beaucoup de choses. En fait, à la base, on avait trouvé des prétextes, dont Trombe, notamment la fête du couteau. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à voir. On va aller se balader. Puis en fait, on s'est baladé, on a imprimé des flyers. Et en fait, on est resté une semaine chez cet imprimeur, et qui est incroyable, parce que du coup, nous, d'une part, nous, on passe un peu pour les idiots du village avec notre caravane. Et lui, il était considéré aussi comme un idiot du village parce qu'il a un énorme terrain, et en fait, il passe son temps à construire, faire des trous dans son jardin et tout. Et en fait, on n'aurait pas eu la caravane, on n'aurait pas eu ces rencontres. Et en fait, il y avait un village, alors je sais plus si c'est... Ars, je crois. Voilà, c'était la fête du bout de fromage. Et en fait, c'était un moment qui était super parce qu'il y a eu la fête. Nous, on a fait l'émission pendant cette fête-là. Et moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est qu'il y avait énormément de gens. Il y avait beaucoup de gens qui participaient à la fête, donc des gens du village. Donc, c'est vraiment quelque chose de très local que j'ai trouvé vraiment réussi. C'était les liens qu'il y avait entre la caravane et l'extérieur. Il y a des personnes qui sont venues, enfin, par exemple, quand Léa est venue hier et aujourd'hui parler de, bah, hier c'était sur le jeu, donc elle a parlé de son jeu préféré, et là, qu'elle soit à l'aise à parler de son rapport à l'écriture. Je trouve ça génial parce que c'était pas prévu et que elle a vu la caravane et elle s'est dit bah comment on s'organise quoi, comment on se déplace, avec quoi, où est-ce qu'on va dormir, qu'est-ce qu'on va bouffer et où est-ce qu'on s'arrête et pour faire quoi. Et du coup voilà, il y a eu plein de prémices de recherche, ça a été un peu à tâtons comme ça. Je pense que j'avais été hyper impressionnée par Elodie qui avait réussi à ramener mes un monde incroyable, en même temps à trop bien les cadrer, vous parlerez pas plus de 5 minutes, enfin, et du coup à gérer trop bien ce truc de timing, de dire aux gens, c'était génial, il y avait la classe des collégiens, il y avait les papis, enfin, il y avait une rencontre d'âge, et c'était trop chouette. Quoi. Et voilà, les gens qui venaient, ils se collaient autour de la caravane, ils écoutaient ce qui se passe un peu dedans. On est en hiver, aujourd'hui on a une petite trêve, il pleuvait pas trop. Et on était sur le parvis de la mosaïque, c'est un espace de passage et c'est un espace aussi de vie pour beaucoup de jeunes du quartier, surtout les garçons. Et la caravane était là et elle était ouverte à tout le monde, mais aujourd'hui c'était une thématique très liée aux femmes. Et j'ai beaucoup aimé de voir les portes qui étaient ouvertes, un petit salon. Et j'ai beaucoup aimé ce contraste qu'il y avait, cette coprésence des jeunes qui continuent à être en face, qui ça apprivoise aussi doucement la caravane. Je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que ça peut être compliqué parfois, c'est qu'on passe souvent pour des jeunes, quoi, des jeunes, des jeunots, des rêveurs, des idiots du village en fait, d'une certaine manière. Moi, je dirais qu'on porte des valeurs humaines, tout simplement, des valeurs de rencontre humaine, des valeurs humanistes. C'est pas facile en fait de parler au micro et on se rend compte que c'est pas facile. Alors quand on arrive à mettre à l'aise les gens et qu'ils parlent et qu'ils sont pas trop mal à l'aise avec le micro, alors que enfin c'est pas forcément leur truc de s'exprimer comme ça dans un micro, je trouve ça génial que ça puisse se faire dans un truc où les gens se sentent accueillis et ils sentent que c'est bienveillant, quoi. Une forme d'humilité aussi, il y a quelque chose de très modeste hein, dans ce qu'on fait, parce que c'est tout simple, on n'a pas un gros studio, on n'a pas beaucoup de matos. Ouais, juste le fait de d'être à un endroit grâce à ce projet et d'être ouais, parfois ému aux larmes quand même, de pouvoir être accepté quelque part avec autant de générosité et d'avoir accès à ces histoires de vie. Mais c'est pas du journalisme qu'on fait, quoi. C'est du documentaire. J'ai l'impression, le côté caravane, convivial, comme si tu partais avec un tandem, tu vois, il y a un côté qui, quand t'arrives avec une caravane un peu décorée, t'es un peu sympathique. Et en même temps, tu te mets toi-même dans une condition d'itinérance, et qui est aussi une condition, tu sors un peu de ta zone de confort, quoi, t'es plus chez toi, t'habites plus chez toi, t'es un peu à l'extérieur. La démarche, ça amène à une très grande liberté, puisque, et d'inconnu aussi à la fois, parce qu'on sait jamais, qui on va rencontrer, même pourquoi pas où est-ce qu'on va se poser le soir, quoi. Et donc du coup ça amène à des rencontres inattendues, à des galères qu'on règle comme ça, qui amènent à d'autres rencontres qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cette galère. La rencontre, je pense qu'il y a une volonté qui est de ne pas faire de contenu normalisé ou enfin, de laisser les formes prendre ce qu'elles doivent prendre comme forme, selon chacun et selon le sujet. La première valeur pour moi de la Caradoc, c'est la solidarité de l'équipe. On sait qu'on va devoir compter les unes sur les autres et que si on n'est pas en connexion, l'émission, la sauce, elle ne prend pas. Ça galère, ça rame. Le partage des mots, le partage des expériences de chacun, en fait. Et que ça se mêle à toutes les expériences de tout le monde et que ça devienne une expérience collective. Et ça, en fait, ça se concrétise dans une caravane qui peut se déplacer. Donc, c'est vraiment l'idée d'essayer d'aller nicher un moment, un endroit et de se faire accepter et d'arriver à aller rencontrer les gens, quoi. Et dans le sens d'une ouverture d'esprit, d'une compréhension du monde, d'échanges sur le point de vue, d'opinion, débat, de tout ça. Il y a une urgence. Il y a une urgence de faire. Et cette valeur-là, elle est liée à l'urgence de dire. Tu vois, je suis émue d'y penser. Elle est liée à l'urgence de raconter des choses et d'aller à la rencontre de gens qu'on n'écoute jamais. Alors, écoutons-les. Et dans tous les sens du terme. Mais non, plutôt crever que de vendre la caravane. Bonjour, donc vous êtes toujours en direct de la Caradoc. Et vous venez d'entendre un petit manifeste que j'ai réalisé rapidement hier soir. Enfin, cette nuit, hein, soyons honnêtes, par rapport à ce qui nous était arrivé hier. Et donc j'ai trouvé ça important hier de courir un peu partout, voir les copains qui avaient participé à ce projet, qui avaient créé ce projet et qui aidaient à faire vivre ce projet pour faire entendre leur voix et revendiquer nos valeurs et ce pour quoi on travaille. Et voilà, ça me tenait à cœur de vous passer ça dès le début. Et en plus, je trouve que ça résonne plutôt bien avec la thématique d'aujourd'hui, puisqu'on ouais. est quand même sacrément débrouillards. Ouais, c'était, ça faisait vraiment plaisir d'entendre tout le monde, toutes les générations d'étudiants qui sont passés dans la Caradoc. Et comme tu racontais hier, ça rappelle un peu pourquoi on le fait, c'est chouette. Du coup, aujourd'hui, le thème, c'est la grande débrouille. Alors là pour le moment on est un peu en équipe réduite, on a Flo à la technique, on est avec Marie. On est là. Et salut. Salut. Et on a Lila avec nous. Bonjour Lila, je peux vous donner un micro? Bonjour. Attendez, on branche les micros. Bonjour. Non, essayez de rapprocher le micro de vos... Bonjour. Ah. Est-ce qu'on peut utiliser un autre micro? Ouais. Allez-y. Et on a aussi... bonjour. Ah, voilà. Bonjour. Donc, oui, bonjour. Et Lila, vous êtes venue avec une ribambelle. Oui, en fait, j'ai mes deux enfants qui sont là. Et la grande, elle n'est pas encore arrivée. Et j'ai mes neveux qui sont avec moi. J'avais le plaisir de les ramener avec moi. Super. Vous voulez dire bonjour dans le micro ? Bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour. Allez, Aya. Ah, t'as trop de gâteaux dans la bouche. Bonjour. Et toi, tu veux dire bonjour ? Bonjour. Tu t'appelles comment ? Adams. Adams. Tu veux rentrer dans la caravane avec nous un peu ? Oui. Ok, viens. Voilà, ça se remplit dans la caravane. Est-ce qu'on démarre sur le thème tout de suite? Enfin, est-ce qu'on va un peu dans le vif du sujet avec des petits quiz pour jouer? Ça vous tente? Oh, super! Quelle belle idée! Alors, j'ai un petit problème, on n'a pas l'habitude qu'il y ait du soleil dans la caravane et je ne vois rien sur mon écran, du coup. Oui, il voilà, fait bon, c'est... aujourd'hui, ça fait du bien, hein, ça nous réchauffe. Bonjour madame. Bonjour. Installez-vous. Donc on a du monde là, ça commence à rentrer. Bonjour. Pendant que Camille cherche ses petites pastilles sonores. Voilà, il y a des gâteaux, on a tout préparé. Merci. Et vous tombez à pic, on prépare un petit jeu là. On va faire un quiz sonore. Oula. Ouais. Mettez ça sur la table. Oui, donnez. Voilà, on va les faire tourner après. Les enfants, n'hésitez pas si vous voulez des gâteaux. Ouais. Il y en a au chocolat. L'autre, je sais pas trop à quoi c'est. Je crois que c'est à la cannelle. C'est aux épices. Aux épices, ouais. C'est ça. Je ne connaissais pas. J'ai goûté hier. C'était très bon. Uh-huh. Ah bon, tu connais pas les spéculoos? Ah, c'est des spéculoos. Ouais. Ah. Mais ils sont devenus un peu mous. C'est peut-être ça, en fait, qui a fait que je me suis demandé ce que c'était. Est-ce que je peux vous demander de dire bonjour au micro et vous présenter si vous voulez votre prénom juste Moi, je suis Marie-Françoise et j'habite le quartier. Voilà, je m'appelle Marie-Françoise et j'habite dans le quartier. Bernadette, j'habite aussi dans le quartier, entre la Grande Garenne et Bassot. Et comment vous êtes arrivée ici dans cette caravane? On a entendu parler. Vous en avez entendu parler? Oui. Et comment vous en avez entendu parler? Par quelqu'un qui fait le français avec les gens qui ont besoin de c'est Marie, perfectionner. La bénévole qui s'appelle Marie, c'est ça? C'est ça. C'est elle qui vous en a parlé? Oui. Ouais, moi c'était drôle aussi parce que tout à l'heure, quand j'étais dans la MJC, alors je me baladais, je courais pour trouver de l'électricité pour qu'on branche la caravane. Et puis il y a eu un appel d'une dame. Donc Myriam m'a passé le téléphone et en fait c'était une dame qui voulait se renseigner sur la Caradoc, qui avait entendu parler de ce qui se passait ici. Ah, trop bien. Et du coup bah, je lui ai expliqué un peu le projet, donc on était super contentes parce qu'on s'est dit bah super en fait ça marche, les gens en entendent parler et puis ça ramène du monde quoi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir en fait, participer quand même. Bah puis le meilleur moyen de participer c'est un petit jeu je crois. Ouais, alors quand même on vous présente l'émission, c'est, le thème c'est la grande débrouille. Voilà, on a essayé de voir comment est-ce que dans le quartier on essaye de se débrouiller s'il manque des choses, quel type d'entraide il y a que les gens mettent en place entre eux, quels services manquent ou pas, voilà. Et du coup pour Oulala, on a des réactions quand même. Vous pensez qu'on va tenir deux heures sur le sujet? Je ne sais pas. J'ai l'impression, vu la grimace de Marie-Françoise. Alors qu'est-ce que vous pensez des services dans le quartier? Je crois que c'est ça qui vous a fait tiquer. Si, dans le service, bon, on a la MJC qui a quand même rendu service. On a la rue aussi qui rend beaucoup de services. Et l'association Régie de quartier, où là, il y a quand même beaucoup d'apports, beaucoup de possibilités. Recherche d'emploi, passer son permis à moindre coût, etc. etc. Ouais. C'est un petit Larsen, c'est pas grave. C'est pas de votre faute, vous inquiétez pas. Alors, eh ben on... Vraiment, si on pouvait utiliser celui-là que avec les personnes qui parlent bien dans le micro et oh. Cela plus avec les okay. Personnes. Ok, ça marche. Alors nous, on a essayé de se balader dans le quartier et de... En fait, on a fait un quiz sonore. Où on a pris des sons dans des endroits et l'idée c'est que vous essayez de reconnaître où c'est. Ah, ça intéresse en tout cas. C'est difficile. Oh, je sais pas. Oui, on voit. Donc on écoute le premier son. Après, c'est calme, c'est plus l'après-midi que ça bouge ici. Ok. L'après-midi, si c'est. Il joue aux cartes et tout, il y a vraiment du bordel ici. Là, on sait vraiment que c'est chez nous par contre. Bon, à midi, il y a du monde à manger par contre. Ouais. Après, c'est dans la salle ici, c'est calme. Okay. Est-ce que c'est à la maison de 4h, 5h, ouais, là, ils sont une dizaine ici à jouer aux cartes, là, c'est comme ça. La maison des habitants? Après, vous passez quand vous voulez. Une fois, deux fois? Aux cartes. Aux jeux portugais, ça c'est des jeux portugais. Ça s'appelle comment? Je sais pas comment ça s'appelle, ils mettent des sous sur la table et tout. Okay. Ah, c'est sérieux. Ah, c'est des jeux d'argent? Ouais. Toi, t'es pas portugais? Si. Si. On est tous, nous, ici. La famille, en vrai, moi, je suis le neveu, ma grand-mère, ma tante, je ne sais pas trop son nom. J'ai l'impression que c'est un commerce familial. Ouais. C'est quoi? C'est la banane. C'est la banane. Est-ce que c'est la banane, Camille? Non, mais je connais pas la banane, qu'est-ce que c'est? Bâtiment. Qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment. C'est un bâtiment grand. La banane, qu'on l'appelle la banane. Et dans le bâtiment, il y a des logements ou des commerces? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des logements. D'accord. Toi, t'habites à la banane? Non. Et tu sais pourquoi on l'appelle la banane? C'est marrant comme nom. Non. Le schéma, c'est comme banane. Ouais, il y a beaucoup de bananes en fait dans les quartiers. Souvent, dans un quartier avec des tours ou des barres d'immeubles, il y a souvent une banane dans le quartier, une énorme barre d'immeubles. Et en fait, vue du ciel, elle est courbée. C'est un truc d'urbaniste, je crois. Donc, on n'a pas eu la bonne réponse au quiz. Est-ce que quelqu'un veut essayer une autre réponse? Amine, t'as pas une réponse? Quelques indices, c'est un lieu géré par une famille depuis longtemps. Maria? Chez Maria? Ah voilà, j'allais dire rue de Basso justement pour donner un autre indice, mais Marie-Françoise a été plus rapide. Quoi? C'est chez Maria. Chez Maria, le café, le bar, le restaurant plutôt. D'accord. On a une petite présentation du coup qui donne la réponse. On peut l'écouter si vous voulez. Ah donc bah moi je suis la gérante là, Salette Alves du restaurant chez Maria, rue de Basso. C'est qui Maria? Connue de tous. Maria c'est la maman. qui était là il y a déjà 40 ans avant moi. Et moi, j'ai repris le fourgon, mais j'ai gardé le nom. Quand des gens arrivent d'extérieur et ils cherchent Maria, chez Maria. Donc j'ai gardé ce nom-là pour que, même s'il y a des gens qui viennent, on va dire, 10 ans, 20 ans après, même si elle n'est plus là, que ce soit facile à retrouver. Voilà. Donc c'était chez Maria. Et... On s'est réunis aussi, je crois, pour une de nos premières réunions. C'était très sympa. Je crois que c'était la première approche de ce bar. Ouais. Quand on est arrivé ici dans le quartier, on est d'abord arrivé au kebab et après au kebab à côté, puis après chez Maria. Salut Juliette, tu viens nous rejoindre ? Et oui, dans d'ubiquité, ou presque. Bravo, belle descente en vélo. Trop contente de vous retrouver en tout cas. Alors c'était comment les studios ? C'était très sympa, c'était une belle matinale. Bravo. Est-ce que vous allez manger chez Maria vous ? Oui. On mange quoi chez Maria ? Le plat du jour. Alors, il y a le plat du jour, mais c'est beaucoup, elle fait beaucoup de morue. Hein, parce qu'il y a beaucoup de spécialités portugaises. Ouais. Quand j'y suis allée l'autre jour, elle était en train de préparer de la morue et avec une sauce dedans. Et j'ai tiqué sur l'aspect que ça avait, j'avais l'impression que c'était plein de plumes, en fait c'était du poisson tout émietté, mais c'était très volatile, c'était très beau. j'ai bloqué dessus en me demandant, mais qu'est-ce que c'est ? Et c'était de la morue, elle préparait le fameux plat de morue dont tout le monde parle, en fait. En fait, on peut écouter un son que Nausicaa nous a fait un peu plus long chez Maria, qui raconte un peu qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que c'est un resto, mais il y a aussi toute la communauté portugaise et plein de gens qui passent là-bas, et il y a de l'entraide qui se passe au sein du restaurant. Et on a quelques minutes à écouter avec ça. Mais on peut rester des heures à parler avec les gens qui sont chez Maria. Moi, j'ai passé une heure là-bas sans m'en rendre compte et c'était très plaisant de rencontrer beaucoup de garçons, beaucoup de mecs au tablé. Mais c'était intéressant de parler avec eux. Ouais, moi aussi, j'ai passé plein de temps avec eux et avec les anciens du club de foot portugais. Et enfin, voilà, il y a sacré ribambelle là-bas. Une ribambelle. on s'écoute ça. Il y a un petit jingle avant. Alors là, pour tenir, je me dis que je vais mettre du scotch sur mes paupières. La grande débrouille. Parce que j'ai tendance à faiblir devant mon ordinateur. D'accord. Donc, pour tenir l'œil, la grande débrouille. Il faut... Alors, genre paupière, très grande débrouille quoi. La grande quoi ? Même plus à part. Hein ? La grande quoi ? Tellement je suis au bout de ma vie. Oui bah débrouille-toi hein. La grande débrouille. Sur Radio Adoc. Ça fait un peu mal, mais là ça tient. J'ai la carte d'identité française, mais je suis portugais. Je parle portugais. Et ta famille, ça fait combien de temps qu'elle est là ? Nous ça va faire. Il y avait un bar là avant la grande garenne, c'était à ma grand-mère. Elle a fait celui-là, maintenant c'est ma tante. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici. Ma grand-mère, ça fait 25 ans, elle l'a vu le café. Voilà, on y est encore. C'est ma mère qui a tenu le commerce là, 40 ans, là, dans le quartier. Oui. Qui a la retraite maintenant. C'est vous qui teniez le restaurant avant ? Ah oui. Ah oui. Et comme j'étais fatiguée, je dis, je crois que c'est mieux que tu viens tenir le bar, mais moi, je ne vais plus. Des fois, je n'allais même pas dormir. Hein. J'ai continué la journée et la nuit. Et ils ne sortaient pas d'ici, les gars. J'habitais à Bassot derrière. Et maintenant, bon, que ce soit plus pratique avec le travail, j'habite sur place. Collé. Oui, bah oui, parce que j'ai 3 enfants et donc je travaille le samedi, je travaille les vacances. Donc voilà, je ne pouvais pas les laisser tout seuls à la maison. Trouver quelqu'un, des fois, pas forcément facile de trouver quelqu'un le samedi. Donc au moins comme ça, elles sont à côté de moi, elles sont sur place. Je peux les surveiller d'ici. Du coup là, elles sont... Là, elles sont à l'école, tout le monde est casé, là, hein, je suis tranquille. Et vous prenez jamais de vacances ? Et ben, une petite semaine à Noël et au mois d'août, c'est tout. Le reste du temps, j'ai trouvé une nounou pour, au moins pour une, la plus petite, les grandes, elles se débrouillent. Moi, je fais tout ici, c'est moi qui fais la cuisine, le ménage, les courses, la compta... à part Marie, voilà, qui vient servir midi et deux, et mon neveu aussi. Ah, il ne faut pas que je tombe malade. Hein. Parce que... Du coup, quand vous êtes malade, ça ferme. Ah bah non, je travaille quand même. Hein. C'est que de la spécialité portugaise, la bouffe. Hein. Par exemple, il y a quoi? Il y a du rancho, cassoulet portugais, galette de morue, de la morue. Voilà, j'ai fait une spécialité portugaise à base de veau avec du chorizo, des carottes, des pâtes. Et puis après, j'ai toujours des grillades et je fais toujours 2-3 plats parce que bon, il faut un peu pour tous les goûts. Hein. On fait pas de jaloux, on fait un petit peu pour tous les goûts. On essaye. Okay. On est là 7 jours sur 7. Des fois, il y a des gens qui ont des soucis au niveau des papiers, ben, des fois, je leur donne un petit coup de main. Il y en a qui ont besoin que j'appelle le médecin pour un rendez-vous, ben, je leur appelle le médecin. Des petits, des anciens quoi, qui ont besoin parfois, ils sont un peu perdus, ils n'osent peut-être pas demander aux voisins, etc. Bon, ils ont une certaine confiance avec moi, ils me connaissent depuis petite, donc ça ne me dérange pas, je prends 5-10 minutes. Il y a 4 ans quand je suis arrivée, c'est lettre par-ci, c'est lettre par-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on sollicite? Mais j'ai dit, tu fais tout en fait, les photocopies, à l'époque quand il y avait encore les le fax. Il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans quand je suis arrivée, au début j'hallucinais. Hein. J'ai dit, c'est l'assistante sociale du quartier, quoi. Elle fait moi les papiers, je ne sais pas écrire en français, donc elle traduisait, donc elle leur disait ce qu'il fallait faire. C'est vrai que moi au début, j'ai été impressionnée par le fait qu'elle était vraiment toujours faire tout avec son cœur, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'as pas lavé maintenant, ça va être tout mouillé. Quand elle vient nous voir, elle est là tous les jours, elle me fait mon ménage à la maison, elle m'aide ici au restaurant, ben, c'est bien, ça m'avance. Souvent je suis à la bourre. Ouais. Mais c'est vrai que ça me donne un bon coup de main. Hein. Elle ne peut pas s'arrêter, c'est une génération. Ils ont commencé à 14 ans, quoi, cette génération. Ils ont toujours travaillé avec les parents, tout ça. Alors c'est fini. Là je m'en vais. Je m'en vais au Portugal. C'est bien le Portugal. Hein. J'aime bien rester là-bas. On est quand même bien, même sur la Grande Garenne à côté. On a une boucherie ici, une autre boucherie sur le quartier à côté. On a un service de police, on a un service de mairie annexe aussi. Qu'est-ce qui a changé? Depuis les travaux, voilà, il y a eu une période de transition entre la démolition des services et puis la remise en marche des services, forcément. Il faut s'adapter, il y a des choses qui étaient parties, il y a des choses qui sont revenues. Voilà, on a quand même réussi à conserver la poste, on ne savait pas trop si on allait avoir une poste au quartier. Parce qu'on a quand même, on n'a pas à se plaindre, on a quand même un bon quartier, on a tout ce qu'il faut, on a des beaux espaces verts, on est bien placé, hein, on a 5 minutes du centre-ville, on a juste la nationale ici, la nationale 10. Voilà, on est à 3 minutes de l'hôpital, on est quand même bien placé. Ce qui nous manquerait ici, c'est un grand magasin, quoi, un supermarché. Et c'est vrai que ça manque énormément. Du coup, je suis obligée de prendre la voiture, de me déplacer. On a des petites épiceries, mais il n'y a pas toujours ce qu'on veut. Hein. C'est vrai qu'on en a eu un supermarché ici, un grand supermarché à la place du Loto. Vous avez la boulangerie au rond-point derrière. Maintenant, c'est un Loto, hein, c'est une grande salle. Mais avant, ça a été un petit supermarché. C'était super bien. Et ça manque. Maintenant, c'est une salle de Loto. Ouais, tous les 4 fois par semaine, un grand Loto. Et c'est côté Basso? Oui, c'est Basso, c'est juste au rond-point là. Okay. Et c'est plein, toute la semaine c'est plein. Il y a beaucoup de gens qui viennent manger? Ouais, il y a beaucoup de monde qui vient manger. Surtout des Portugais? Ouais, surtout des Portugais. Que des ouvriers. Il n'y a pas beaucoup de monde habillé classe. Que des ouvriers ici. Mais ça, c'est le patron, je crois. Non, c'est vrai que nous on est Portugais, de fait, mais on a toutes les nationalités. Hein. Nous on a un petit peu tout. Il faut savoir aussi que quand même le public du quartier a bien changé. C'est-à-dire moi, à mon époque, moi j'ai connu les anciens. Enfin, les anciennes familles, là on va dire en 15 ans, bien 10-15 ans, ça a quand même bien changé. Avant c'était voilà, musulman, italien, espagnol, portugais. Aujourd'hui ça vient plus maorais, pays de l'Est, et encore quelques musulmans, mais bon, je ne sais pas trop de quel pays, bon, ça peut être un peu varié. Voilà, le public a quand même changé. Donc là, je connais moins de monde. Voilà, moi, je connais les anciennes familles. Bon, bien sûr, on a beaucoup qui sont décédés. Les anciens sont décédés. Ça a un peu évolué quand même. On essaye toujours d'être là. Bon. Bon, parce qu'on ne veut pas que le quartier se dégrade, on veut que ça reste quand même un bon quartier. On veut garder des choses, voilà, des activités, des choses sur le quartier. Il ne marche plus, mais putain, mon truc, il a un problème. Mario, bois après, Mario, bois après. Et vous, embauchez à quelle heure? Ah, ben non, pas tout. J'embauche, j'ai une petite là qui prend, parce que j'ai une petite handicapée là, qui prend le bus le matin à 8h20. Moi, je ne peux pas bouger avant. Donc le temps que je la prépare, voilà, bon, je me lève à 7h, mais voilà, je la pose à 8h20, je pars faire mes courses, je fais vite mon ménage, je prépare la bouffe. Je suis là jusqu'à midi, après c'est le service, après le nettoyage, il faut compter jusqu'à 16h. Et après, bon, je fais un petit peu de bain, un peu d'administratif. Après, ma petite, elle arrive à 17h. Voilà, après, il faut que je m'en occupe. Souvent, je reviens le soir pour avancer pour le lendemain, pour c'est des choses, beaucoup de choses maison. Qu'est-ce que tu fais, Mario? J'étais en train de faire une interview. Quoi? Une interview. C'est quoi? C'est... Pour le foot? Non. Des Portugais d'Angoulême. Ah ouais, moi je joue au foot, ouais, Portugais d'Angoulême ici. Que des Portugais. Hein? On a quand même des gros clients ici, on a pas à se voilà. On a des compliments, merci pour ton sourire, voilà. C'est une agréable personne, quand j'entends ça... une excellente cuisinière, donc on a une bonne équipe. C'est gentil, ça. Ah, c'est la vérité. Ah, là, je ne pourrais pas faire le travail que je fais si tu n'étais pas là. Hein. Et on est de retour dans la Caradoc. Et on est de retour dans la Caradoc. Il y a toutes les copines du quartier qui nous ont rejoints. Et ouais, on est trop contentes de commencer à connaître les habitants et les habitantes du quartier. On commence à reconnaître des visages, des prénoms. Il y a la voisine de Lila qui arrive. C'est super, on va se pousser un petit peu. J'adore voir cette caravane quand elle commence à se remplir avec tout le monde, avec les enfants. On remercie Nausicaa pour son immersion, son PAD qui nous a permis une immersion chez Maria. Aujourd'hui, samedi, on fait les courses, tout ça, et puis après on fait à manger. Et du coup, on vous a concocté toute cette semaine dans notre immersion dans le quartier. On a pu rencontrer plein de personnes qui nous ont livré un petit peu leur secret de cuisine. Bonjour aux nouvelles arrivantes, bonjour. Et qui ont partagé avec nous leurs recettes de cuisine. Parce que manger, c'est 3 fois par jour, vous le savez les enfants. Que tous les jours on mange et qu'il y a des petites mains derrière qui font à manger tous les jours et qui pensent à nous. Et du coup, voilà, moi j'ai voulu aller un petit peu à la rencontre des cuisinières du quartier. Donc je suis très contente de recevoir Lila aujourd'hui qui est avec nous. Bonjour Lila. Rebonjour. on est là. Alors, on va parler un peu de la cuisine. C'est ça, on va écouter ce qui s'est passé. C'était jeudi matin quand je suis venue chez toi? Oui, c'était jeudi matin. Ouais. Allez, bon, on vous dévoile pas plus et on va écouter un petit peu. Merci de m'accueillir. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. J'ai essayé de préparer avant pour avoir un peu de temps. Je mets mon poulet là. Les morceaux de poulet, plein de viande. Qu'est-ce que vous avez mis comme épice avec le poulet? Du poivre noir, un peu de sel. C'est juste pour mariner. Après, je vais mettre des épices. On met un peu d'huile. C'est des oignons qui sont bien hachés. Qui sont bien hachés là. Je mets de la cannelle. Elle n'est pas moulue là. Ouais. Regarde là. Celle-là, elle est moulue. Mais on ne met pas dans la sauce parce que ça donne une couleur noire. Ah, la sauce là, j'aime pas ça. Qui est-ce qui vous a appris à faire le couscous? Ma mère. Ma belle-mère, ma mère. En fait, le couscous, c'est notre plat traditionnel préféré pour tous les Algériens. Et à chaque vendredi, on met le couscous à chaque vendredi dans toute l'Algérie. Ben, ça, c'est paprika, c'est ça? Ouais. Voilà. Et vous vous souvenez à quel âge vous avez réussi à faire un bon couscous toute seule? Un bon couscous toute seule, à 21 ans. 21 ans, j'ai commencé. Je suis mariée à 21 ans, moi. Et maintenant, j'ai 11 ans de mariage. Il fallait bien faire mariner avec les oignons, tous les épices qu'on a mis. Ben ça, c'est, je sais pas comment, en beurre, hein. C'est un peu spécial, ça. C'est spécial couscous, c'est des épices spécial couscous. On les achète comme ça, spécial couscous. D'accord. Moi, je les ramène avec moi. Ouais. Moi, je les ramène avec moi, parce que ici, c'est rare où je trouve ce que je veux. Il faut qu'on entende ce bruit. Ça, c'est très important. N'hésitez pas de mettre, parce que c'est l'astuce de les tomates, c'est l'astuce de l'acidité là, de la sauce là. Et aussi la tomate concentrée. Une bonne cuillère. Hein. Comme ça, tu apprends toi aussi. Ah ben oui. En même temps. Du sel. Ah oui. Et ça, c'est difficile de savoir gérer le sel. Combien pour il moi, faut en mettre? Une bonne cuillère de sel. Voilà. À peu près. Ouais. Maintenant, on va y aller sur les grains de couscous. Vous faites le couscous pour combien de personnes? Là, peut-être, je suis sur plus que 15 personnes. Normalement. Et les quantités, comment vous faites? Vous comptez? Vous faites à l'œil? À l'œil. À l'œil. Voilà. De l'eau froide, pas de sel. C'est après le sel, je mets un peu de l'eau froide et un peu d'huile pour qu'il ne se colle pas. Il faut bien le faire voilà, comme ça. Vous avez coupé comme légumes à côté? Ben, les légumes, ça dépend. Moi, je mets des courgettes, du navet, des carottes et des pommes de terre. Et du pois chiche. Voilà, des protéines. Légumes, protéines. Il faut que ce soit coupé en gros. En gros, pour qu'il soit après bien présenté sur les plats. Mmh. Ouais. Parce que, comme on dit, là-bas chez nous, on dit que l'œil, elle mange avant la bouche. Voilà. On mange avec l'œil d'abord. On met du pois chiche là parce qu'elle n'est pas cuite. Elle était juste... je l'ai mis sur l'eau pendant une nuit. Voilà. Ah, c'est indispensable, ça. Voilà. Voilà. Ça, si... Elle est belle. Si tu fais, si t'en as pas ça, tu fais pas de couscous. Parce que le couscous, on le met à la vapeur. Ouais. Ouais, on ne met pas dans l'eau. Les grains, on ne le met pas dans l'eau, direct. Non, pas non. Ça, c'est la grande erreur qu'on fait. C'est ça. La plupart ici, ils disent qu'ils font de... les grains directement sur l'eau. Ben, non, ça, non. Non, non, non. Voilà. Ça fait après c'est les pâtes. C'est pas du couscous, pour moi. Voilà, vous voyez ici, là. Ils sont un peu humides, ils sont un peu... un peu... pour éviter de laisser coller l'huile, il évite les grains qui se collent entre eux. Et là, il va cuire combien de temps à la vapeur? 10 minutes. Ah ouais. Mais c'est pas juste une fois. Hein. Deux fois. Ah voilà. Mais alors, racontez-moi, ce couscous, vous le faites pour qui? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le couscous pour, comme je suis bénévole au restaurant du cœur, et je lui ai proposé de lui faire couscous, de bien goûter notre plat traditionnel. Je l'ai fait déjà une fois, je les ai ramenés là-bas, c'était trop bien. J'ai fait le buzz à ce moment-là. Après, voilà. Hier, on a parlé de couscous et tout, ben, j'ai décidé aujourd'hui de lui faire pour lui faire plaisir, c'est tout. Pour le plaisir. On dit l'ain t'akoul qabel l'fom. Voilà. L'œil, c'est de l'ain. Et la bouche, c'est l'fom. On mange avec l'œil d'abord, après on mange avec la bouche là. Ouais, c'est beau. Vous voyez là? Ouais. Elle a gonflé. Ah, elle a gonflé un peu. Là, hop. Après, on va remettre ici là. Là, on va mettre du sel. Ah, c'est maintenant qu'on sèle la ouais, crème. Ouais. On ah mélange. Oui, en fait, elle attache pas en fait. Non, elle attache pas parce qu'on a mis d'huile. Vous voyez? Si tu mets pas d'huile, tu mets pas une matière grasse, ça va se coller comme ça après. Tu vas avoir une pâte après. Vous voyez? Impeccable. Elle n'est pas prête encore. Hein. Il faut qu'elle cuise une deuxième fois? Oui, une deuxième fois. C'est mieux. Ouais. Et il fait pas trop des boulettes? Il faut bien jouer avec. Ouais. Il faut bien jouer avec les grains là. C'est lila. Et je suis une maman de 3 enfants. J'ai 33 ans. Et j'habite au quartier Grand Garenne, là. Je fais des bénévoles. Mon principe, c'est de bien partager avec les gens. La solidarité, c'est quelque chose du noble pour moi. Voilà. C'est ça. Voilà, Lila. J'aime cuisiner surtout. J'adore faire la cuisine, j'adore faire les gâteaux, j'adore. Bah, d'ailleurs, sur les mariages, je fais des gâteaux des mariages, Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est beau. Fais sentir le truc de. Après, je vais rajouter mes carottes là. Il faut que je touche. Le poulet, est-ce que... Moi, je travaille à la main. Ouais, je travaille à la main. On peut mettre du navet avec, parce que ça prend un peu de temps, du navet. Comme ils sont grosses, là. C'est bon. Et dans un petit moment, on rajoute les autres légumes. Les autres légumes, voilà. Un petit moment, dans 5 minutes à peu près. Pour faire une belle assiette, il faut bien faire une bonne pyramide des grains de couscous. Il est vraiment pyramide. Après, on décore avec des légumes verts, rouges, blancs. Ça veut dire vert, c'est courgettes, rouge, c'est carottes, blanc, c'est du navet, on vient des pommes de terre. Du pois chiche, on met des lignes avec des pois chiches. Et de la viande au milieu. Et un peu de cannelle en poudre. Juste un peu, c'est juste pour avoir le goût, le bon goût là. Voilà. Et il y en a des gens qui, si vous voulez mettre des saucisses, vous mettez des saucisses. Sinon, moi, d'habitude, je veux brouiller les œufs là, les œufs durs. Je le découpe en quatre, je le décore avec. Ça donne de la couleur jaune, blanc, voilà. C'est une présentation pour moi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Lila. De rien, pas de souci, avec plaisir. Soyez le bienvenu et bon courage à vous. Merci. Surtout. Ouais. Retour sur le dos. Et voilà, on est de retour dans la Caradoc avec Lila qui est venue avec ses enfants, avec ses trois enfants nous écouter. Oui. C'est super. Merci d'être venue. De rien, pas de souci, avec plaisir et je vous souhaite bon courage. Et ça me fait plaisir de participer dans une émission, dans une radio. C'est la première fois que je fais. Ouais. Et ça me fait un grand plaisir. Bah je vous remercie forcément. Je vous souhaite un bon courage pour, et bonne continuation. Merci. On va discuter un petit peu. C'est très intéressant cette rencontre. On s'est rencontrés à l'épicerie sociale. Oui, c'est ça. Exactement. Moi, je suis venue à l'épicerie sociale parce que. Quand j'étais étudiante, j'ai bénéficié moi-même de l'épicerie sociale pendant longtemps. D'accord. Et ça m'a beaucoup aidée. Et il me semblait qu'on pouvait aller au-delà de juste l'épicerie sociale. C'est aussi un endroit où on peut partager des recettes, où oui, on rencontre les habitants, où on rencontre les voisins, les voisines, les mamans. Et du coup, on s'est rencontrés là-bas. Exactement ça. Tu étais en train de faire tes courses, c'était un peu pressé. Ouais, je t'ai demandé si je pouvais te suivre. Parce que c'était l'heure de ramener les enfants de l'école. Et oui, c'était mercredi en plus. Ouais. Et du coup, ça a été trop sympa, adorable de me permettre de venir. C'est pas évident quand on connaît pas les gens, de venir à la maison. Vous, les enfants, vous étiez à l'école. Oui. Mais du coup, moi, j'ai retrouvé votre maman. Et oui, du coup, voilà, maintenant, vous avez un petit enregistrement. Si jamais un jour, vous avez envie de faire le couscous, si un jour tu veux faire le couscous et que tu ne peux pas appeler ta maman au téléphone, bah, tu auras la recette direct, là, quelque part. Et du coup, ce qui était super intéressant, c'est de voir que tu es toi-même aussi bénévole dans le quartier. Oui. Pour là, le couscous, tu le faisais pour le Resto du Cœur, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ça allait faire plaisir. Je les ai ramenés. Ça allait faire plaisir. Ils étaient tous contents et tout. Voilà. Ouais, c'est ça me fait plaisir pour moi. Ouais. La façon de la solidarité, la cuisine, c'est en lien. Comme je disais, on mange trois fois par jour et du coup, voilà. C'est ta façon d'aider, c'est de faire à manger. Oui, c'est ça. Exactement. Où est-ce qu'il est situé le Resto du Cœur? C'est en rue de Bassot. D'accord. Ouais, c'est en rue de Bassot. Et comment ça se passe avec eux? C'est magnifique. Hein. C'est très bien. C'est tout à fait une famille qu'on partage le boulot de faire servir les gens et tout. Ça nous fait plaisir. Tu rencontres qui là-bas? Il y a des gens du quartier? Il y a des gens que tu reconnais? Ou c'est d'autres familles? C'est des gens c'est, qui... Si, il y a des gens, que je les connais. Il y a des familles que je ne connais pas. Et au niveau des bénévoles et tout, je les connais là-bas. Je ne les connais pas, par exemple, des gens du quartier. C'est pas des gens des quartiers et tout, je les connais là-bas. Ouais. Ils sont trop sympas et... j'ai peut-être raté, peut-être que vous en parliez, mais est-ce que tu le fais combien de fois par semaine? C'est assez régulier, non? C'est quoi? Quand tu cuisines comme ça pour l'amener au Resto du Cœur? Non, c'est pas chaque jour, je fais ça. Je fais une fois, c'est pour un plaisir, ça. J'ai fait, peut-être ça fait 2 mois, j'ai fait une fois, et cette fois-ci. Ok. Voilà. Et tu cuisines aussi parfois pour d'autres moments avec d'autres associations? Pour le moment, non. D'accord. Pour le moment, non, parce que je connais pas si trop le quartier là. Je connais pas très bien le quartier là. Ouais. Et ouais, ça fait pas très très longtemps que tu vis dans le quartier. Oui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, mais je connais pas toujours trop le monde et tout. Ouais, il faut du temps pour qu'on rencontre les gens. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'est rigolo parce que nous, on arrive ici et de façon accélérée, on va à la rencontre des gens et du coup, on a rencontré d'autres personnes qui font à manger dans ce quartier. On a rencontré, par exemple, à la maison des habitants, un petit peu plus haut, là, en allant vers Bassonne, vers l'épicerie sociale. Il y a des mamans aussi qui se réunissent. Font du couscous, mais qui font aussi des gâteaux et qui les vendent par période, comme ça. Voilà. Et elles font une cagnotte. Oui. Elles se cotisent, elles mettent l'argent en commun pour organiser des voyages. Voyages ou bien quelque chose. Ça, on fait ça avec les écoles. Des fois, les écoles, ils nous demandent de faire des gâteaux, quelque chose à vendre pour avoir un peu de l'argent, pour acheter des trucs pour les élèves, pour les sorties, etc. Ça, j'ai participé pas mal de fois pour celui-là. Moi, je prépare des trucs, des gâteaux, des plats, on les vante et l'argent qu'on les gagne, on le donne surtout pour les sorties. Ouais. Oui, c'est voilà, les dames que j'ai rencontrées, elles me disaient ça. En fait, c'est important pour tout le monde de pouvoir partir en vacances. Bah oui, pour les enfants, quand on vit dans ce quartier. Une excursion pour les enfants. De faire des petites excursions. Et vraiment, bravo pour ces initiatives. Aujourd'hui, le sujet, c'est la grande débrouille. C'est-à-dire quand on s'organise entre nous, justement, pour réussir à manger, à bien manger, à partager des moments. Tout ce qui, des fois, ce qu'il n'y a pas dans le quartier, les habitants et les habitantes, elles le créent ensemble. Ouais. Ben, ça fait plaisir pour moi. Est-ce qu'on continue avec l'épicerie solidaire? Est-ce qu'on écoute l'épicerie solidaire maintenant, ça vous va? Oui. Ouais. Bah super. Sans plus tarder, sans plus dévoiler, on va aller à la rencontre de l'épicerie solidaire du quartier. Merci beaucoup, madame. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée, messieurs, dames, au revoir. Monsieur. C'est tout à vous, ça, monsieur? Oui. Oui, j'ai pris les pommes pour faire la compote, un peu d'orange pour faire un jus pour ma fille, et les carottes, et j'oublie en fait, c'est le persil, oui, pour faire un tagine et les carottes. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai pris du lait et aussi des gâteaux, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Je viens tous les mardis, des fois il y a beaucoup de choses. Quoi, il n'y a pas. Par exemple, aujourd'hui, je suis venue pour chercher la couche, mais il n'y a pas. Je reviendrai demain matin. Des fois, on trouve, des fois, on ne trouve pas. Chacun sa chance. Ouais. Je vais poser ça là-bas. Elle aime bien la compote, là. Oui, elle adore ça. C'est pour ça que je viens souvent chercher les pommes, pour faire ça. Ouais. C'est bien de faire ça à la maison. C'est mieux d'acheter dehors. Et aussi, si c'est intéressant parce que c'est moins cher. En fait, j'ai oublié parce que je parle de langue. Alors, il faut bien réfléchir pour dire. Le citron, c'est bien pour le poulet. Ça donne un goût bien. C'est bien pour le poulet. Je mets le citron sur le poulet. Et l'oignon avec l'huile normale, je le mets sur le four. Et après, je les laisse 5 minutes à 10 minutes. Après, je rajoute les carottes et les patates. Ce qu'on a, ce que j'ai pris maintenant. Je vais mettre les carottes, deux patates. Parce que juste pour moi et le bébé, alors c'est suffisant pour nous deux patates. Et après, je rajoute un peu d'eau chaude et les épices. Du sel, paprika, poivron noir, c'est tout. Après, je les laisse cuire une heure comme ça. Sur un tagine, bien sûr. C'est ma mère qui m'a appris beaucoup de choses. La cuisine, surtout marocaine. Alors, j'ai cuisiné ça tout le temps. Des tagines, couscous. Alors, je viens souvent ici parce que des fois, je trouve du couscous. C'est intéressant. La farine, tout ce que j'ai besoin. Ça nous aide beaucoup, ce pâtisserie sociale ici. Oui, c'est ça. Oui, je suis berbère de l'Atlas. berbère de la place. Meknès. Mais il y a parce que la classe c'est Meknès, Azro, c'est le centre de Maroc en fait. Azro c'est le centre de Maroc et là-bas il y a des. C'est la classe, c'est ouais. Ça. Ouais. Et alors vous parlez plus en arabe ou en berbère? En arabe. En arabe. Ouais. C'est juste avec ma mère ou la famille que je parle berbère. Par téléphone ou par WhatsApp. Ouais. Mais avec ma fille, je parle avec elle. Arabe et français, les deux. Moi, je suis là pour rendre service aux gens. Je suis à la retraite depuis 3 ans et j'allais faire de la dépression. Alors, je suis venue là pour m'occuper d'esprit. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je vous dis d'autre, moi, comment ça marche? Eh bien, les gens présentent leur carte. Ils sont allés voir une assistante sociale, on leur a donné une carte. Et après, les gens font leurs courses, ils prennent ce qu'ils veulent. Et quand ils sont contents, ben ils vont payer. Et puis... hein? Voilà, c'est comme ça. Voilà. Bah, je cuisine orientale, moi, plus orientale que... Et je fais plus aussi, tout ce qui est vapeur, tout ce qui est... Je parle de grossir. Non, j'aime pas tout ce qui est gras, tout ce qui est... Donc je fais très attention à moi. Donc voilà, tagine aux pruneaux, ben vous faites comment on fait? Je mets d'abord la viande, après je mets des oignons coupés en morceaux. Et je fais revenir avec un petit peu de curcumin, un peu d'épices, pardon, excusez-moi. Et après je fais revenir ça avec une sauce et après je laisse un peu tourner en cocotte minute. Et je fais cuire les pruneaux à part dans une poêle avec un petit peu d'huile. Et un peu de miel. Et après, je mets un petit peu de miel aussi, un peu dans la marmite. Et après, à la fin, je coupe les oignons en lamelles. J'ouvre ma cocotte minute. J'attends que la viande elle est cuite. Et je mets les oignons dedans. Et je rajoute les pruneaux dedans. Et vous mettez quoi comme épices? Je mets du curcumin. Je mets je ne sais pas comment on le dit en français. Bah, dites-moi. En arabe? Ouais. Alors là, c'est le hanout. Et puis je laisse revenir ça et puis voilà quoi, c'est en gros, hein, c'est en gros, je vous dis ça. Et le rassalano que vous prenez ici À la boucherie Chérif. À la boucherie Chérif, ouais. Merci beaucoup. De rien. Ça donne faim. Je suis simplement bénévole. J'ai découvert le quartier parce que je suis écrivain public à la maison des habitants, voilà. Par hasard, j'ai découvert le quartier et donc j'y suis restée. Ça fait 5 ans maintenant. Et donc je viens quand on a besoin de moi, c'est-à-dire surtout le mercredi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bénévoles. On est 4 bénévoles, voilà. Donc on se relaie entre le mardi, le mercredi et le jeudi. Et puis j'ai développé des contacts avec beaucoup de clients. Souvent, ils viennent me voir justement à la maison des habitants pour me faire remplir des dossiers, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas mon métier, mais comme je remplis des dossiers et je me mets à la disposition des gens, on m'a dit, allez, on m'a nommé écrivain public. Voilà, mais en fait, ça peut aller du CV jusqu'à remplir des déclarations d'impôts, etc. Enfin, c'est très varié, des demandes de nationalité, des demandes de regroupement familial, voilà. Et vous faites ça en tant que bénévole? Oui, je suis à la retraite. Donc, pour l'instant, ce n'est qu'une épicerie sociale. C'est-à-dire que tous les produits, sans exception, nous sont livrés par la banque alimentaire. Y compris les légumes, y compris les fruits, tout, tout, tout. Voilà. Donc, évidemment, ce sont des petits prix, puisque c'est la récupération dans les grandes surfaces, etc. Ou au niveau européen... le beurre, le riz, etc. Donc, on essaye de faire une balance intéressante pour tout le monde. Par exemple, le café, les 250 grammes de café, coûtent à peu près 2 euros. Nous, on le vend 30 centimes, les 250 grammes. 3,57 euros pour vous. Votre ticket. Là, je prends les pommes. Bah, normalement, moi, je fais un gratin aux patates douces avec les patates normales. C'était très très bon. Avec la sauce béchamel. Voilà. Et vous avez plus de jus. Je fais du jus de fruits avec les oranges, le pomme. Voilà. Et des fois, je fais des salades de fruits avec. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, je prends pas grand chose, mais bon. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai une fille qui a un nom. Elle s'appelle Anya. Il y a même des produits pour les bébés ? Oui, oui, des fois oui. Comme ça, là, il y a des compotes pour bébés. Non. Mais vous lui parlez dans les deux langues ? Oui. Ouais. Bon, elle sera bilingue. Je parle même trois langues. C'est-à-dire ? Bah, je parle avec elle berbère, arabe, français, tout. Voilà. Bah, vous voyez, là, ce genre de c'est bien, il y a quand même pas trop de sucre non plus. Parce que, vous voyez, moi, mon mari est diabétique, alors il faut faire attention aussi. Et puis même les enfants, quoi, leur dire, on ne mange pas que du sucre. Et puis des fois, s'il y a de la farine vide, ben, on fait des crêpes maison, des gâteaux maison, avec des pommes. Avec ce qu'on nous donne, tout simplement. Bon. Nature. Oui, AB, ouais, c'est bio, tout ça. Ah, il y a beaucoup de produits bio, franchement, ça. Des bons articles, hein, c'est pas... On donne pas que des bêtises. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens nous disent, oui, c'est des produits périmés. Alors que pas du tout, hein, pas obligatoirement. Et même s'il y a une date qui dépasse d'un mois ou voire un jour, ils savent qu'ils ont droit à être vendus. Après, sinon, bah, on va en magasin, hein, c'est tout, hein, si on n'est pas content. C'est simplement. Hein. C'est une bonne marque. Quoi. C'est vrai qu'on des fois, on n'a pas l'habitude de prendre directement au magasin. On sait que c'est relativement un peu onéreux. Bah, tout simplement, on peut le retrouver à l'épicerie. C'est super. Bravo. Merci encore. Bon courage. Oh, c'est bon là. Ouais, vous avez fini. C'est la fin. J'ai fait vite. Et en plus, je parlais en même temps. Bon, mais là, c'est bon, on n'est pas encore fermé. Et voilà, du coup, on a écouté le petit son que Julia nous avait fait à l'épicerie solidaire. Et là, on a été rejoints. Voilà, la Caradoc accueille Kamel, parce que président de l'association, parce que du coup, ce matin, en fait, on se trouvait dans la cuisine en train de créer notre conducteur, et à chaque fois qu'on sortait pour aller faire pipi ou aller dans la salle musique, on entendait de l'arabe, en fait. Et en passant une tête, on voyait qu'il y avait une salle de classe dans la salle de réunion avec plein d'enfants. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Et donc, on a rencontré Kamel, qui vient nous parler un peu de ce qu'il fait pour le quartier et des liens qu'il entretient avec les jeunes du quartier aussi. Je crois que c'est un des gros sujets qu'on a abordé ensemble, donc je ne sais pas si vous voulez prendre la parole par rapport à tout ça et aux actions qui sont menées ici, par vous, par l'association. Oui, moi je veux remercier pour l'accueil. Je m'appelle Kamel Boutouta, président de l'association Espoir. Voilà, je suis très connu dans le quartier. Et pour l'occasion, je remercie tous les jeunes de quartier et tous les gens qui me soutiennent pour tout ça, et pour notre quartier et pour notre commune. Voilà. Pour notre association, ça fait 2 ans que ça existe. Et voilà, ça se passe très bien pour le moment, ça se passe très bien. Et voilà qu'on demande des gens qui peuvent nous aider plus. Et voilà, ça se passe comme on veut et comme on peut dire, ça se passe très bien. Attends, Kamel, je vous donne mon micro parce que ça l'harcèle un petit peu. Voilà. Ça fait non, non, non, c'est bon, ça a été enregistré, mais le problème c'est que voilà, il y a des petites interférences avec les enceintes. D'accord. Mais on va continuer. Oui, comme j'ai dit, avec l'association ça se passe très bien. On a que l'école arabe, on donne des cours. En même temps, il y en a des profs et des jeunes des quartiers aussi qui sont universitaires et tout, qui nous donnent des cours français aussi pour les enfants qui sont pas, comme on peut dire, qui ont des difficultés à l'école. On va aider. Voilà, et moi je remercie aujourd'hui, je rencontre Madame Warda qui est avec nous, qui est venue pour voir comment ça se passe les choses. Et voilà. Et voilà pour l'occasion, on n'a, c'est pas que l'école, on a tout. On fait du sport aussi de tous les samedis de 16h à 19h. Et je remercie Monsieur le maire pour toute sa confiance qu'il donne à notre association. Voilà, et malgré, il y en a des personnes qui mettent le bateau sur les rails, mais c'est pas méchant, comme on peut dire. Il faut toujours regarder devant, et c'est pas qu'on regarde derrière. Et c'est ça qui le courage. Avec le courage, on peut y aller très loin avec les gens de quartier et les habitants. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi de ce que vous me disiez tout à l'heure, là, quand on était en dehors de la caravane, c'était le lien que vous entretenez avec les jeunes qui traînent beaucoup devant la mosaïque, oui, que vous avez eu en cours, c'est ça? Oui, moi, avant, oui. Quand ils étaient petits. Voilà, qui étaient petits. Voilà, je suis commandé, comme j'ai dit, je les connais. Maintenant, moi, je le remercie tous les jeunes de quartier qui, maintenant, ils sont adultes. Moi, je l'ai pris à 8 ans, à 9 ans, et maintenant, ils sont à 19 ans, 20 ans, 22 ans, à 25 ans. Je suis très fier que je le vois maintenant, ils sont grandis, tout doucement. Et ça fait plaisir que j'ai toujours le respect, qu'ils me respectent toujours dans le quartier. Et ils me voient que voilà, que je suis pour eux aussi, et pour leurs enfants aussi. Et si je vois quelque chose qui ne va pas, je discute avec eux. Et la formation, ça se passe très bien. Il y en a un bon contact entre les mamans et les papas et leurs enfants. C'est ça, ça, c'est une fierté pour nous et pour la communauté musulmane. Voilà. Donc c'est très important, le dialogue dans le quartier. Ah, c'est le, pour s'intégrer, pour pouvoir proposer des projets aussi, peut-être. C'est très bien, parce que là, s'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas avancer. Sans dialogue, on ne peut pas avancer. C'est ça, les jeunes, maintenant, ils ont besoin de quelqu'un qui dialogue et qui est confiant. Qui est confiance aussi. Ce n'est pas dialoguer par devant et par derrière, et le pic, non. Nous, comme on peut dire, si on parle, on parle les choses claires. Les choses qui l'intéressaient du quartier. Et comment on gagne la confiance du coup de ces jeunes? La confiance de ces jeunes, qu'est-ce que l'expérience que j'ai avec eux, il veut des choses qui sont claires. Même un exemple qu'il discute avec Monsieur le maire, ou avec un adjoint de maire, ou avec les autorités, un exemple, qui au moins que ça se passe. Il y en a un lien, il y en a un contact. Il faut le contact, comment on peut dire? Il faut quelqu'un qui transmette les formations bien comme il faut. Il ne faut pas mentir. Oui. Et vous travaillez avec Malik aussi? Non, je connais Malik, il était petit aussi. Ah, il est venu à vos cours aussi? Moi, je travaille à la mairie, ville d'Angoulême. Voilà, et ça fait, je l'ai raconté depuis Malik. J'attends le micro aussi. Avec son papa et avec, avec leurs enfants, qui étaient aussi avec, chez moi à l'école et tout. Mais c'était très bien passé. Moi, là, je vois des enfants maintenant qui sont très respectueux. Et je suis très fier pour le moment que je le vois qu'ils sont très, ils sont grandis vite. C'est nous qui ont grandi, c'est pas eux. Je parle de Malik parce qu'il me parlait aussi de ce lien qu'il fait avec les jeunes à l'entrée et ici, et du lien aussi dans la parole et des projets qu'il peut construire avec les jeunes et le fait que ça vienne d'eux et qu'après on trouve les moyens, enfin ils trouvent les moyens de faire les projets qui leur tiennent à cœur, même si c'est des voyages, ou voilà, mais pour les aides à la formation, etc. aussi, pour trouver... Et peut-être dire qui est Malik aussi, ah oui, pour les auditeurs. Oui, Malik, il est médiateur dans, oui, la, oui, dans la structure de la mosaïque, et il est à l'entrée de la mosaïque, à l'accueil, en fait, souvent. J'espère qu'il va venir tout à l'heure et qu'il pourra en parler plus longuement. Mais, oui, non, mais moi, je connais Malik, il était petit, c'est très bien, c'est un bon garçon, c'est un garçon qui dise les choses très bien, qu'il est là, même les jeunes le respectent aussi. Je suis très content pour ça, pour ce média là, et le contact qu'il y a à Malik. Et Malik aussi, c'est un homme calme qui discute bien, sérieux, comme on dit. Il voit que comme je suis comme lui, et s'il a envie de dire, il dit en face, comme je lui dis toujours. Malik, il est là aussi pour le quartier, il est pour les jeunes, il aide les jeunes aussi pour s'en sortir, comme on a parlé. J'ai parlé avec Malik aussi pour des projets, pour on peut installer ensemble, inchallah, notre projet, si Dieu le veut, pour avoir les choses, surtout pour les jeunes de quartier. Voilà. Et comment vous vous débrouillez pour avoir ça? Nous, on va avec le dialogue, comme vous me dites tout à l'heure, avec le dialogue, on peut. Moi, je vois, la meilleure chose, c'est dialoguer. si on arrive à dialoguer entre nous et avec les autorités, que j'ai dit avec M. le maire, avec les élus, et avec les directeurs de l'MJC, avec les autorités, qu'on peut passer le message, c'est là qu'on peut y aller faire des choses bien. Moi, je vois les choses comme ça, mais peut-être vous voyez mieux que moi, je ne sais pas. Et ça veut dire quoi, s'en sortir ? S'en sortir de... Un exemple, s'en sortir de... comme on dit, qui parle beaucoup de jeunes de quartier, qu'ils font ça, que voilà, qu'ils cassent ça, qu'ils brûlent ça, qu'ils cassent ça, etc., etc. Mais ça, c'est pas une solution. C'est pas une solution de, c'est pas bien pour tout le monde. Ça, ils savent, moi ou lui, c'est pas bien pour tout le monde. Mais il y en a des gens qui viennent de loin pour faire ça dans les quartiers. Après, ça, c'est-à-dire les jeunes de quartier qui font ça. Moi, je vois pas les choses sur les quartiers. Je vois que le bien. Mais maintenant, les gens qui viennent à l'extérieur pour faire le bazar ici, il brûle ou qu'il fait quelque chose pas bien dans le quartier. Après, voilà, ça tombe sur nous. Mais c'est malheureux, mais je sais que nos jeunes de quartier, et ils sont très confiants. Je fais confiance à eux, que eux voulaient l'intérêt à eux pour faire les choses bien dans notre quartier aussi, comme ont aidé les parents. Donc s'en sortir, du coup, c'est ne pas tomber dans la délinquance, en fait, pour... Tout à fait. Il faut pas... Ça, c'est normal. C'est tout dans les quartiers qu'on peut dire, s'il y en a un dialogue avec des gens bien. Parce que je suis pas à l'âge de 22 ans, j'ai 53 ans. Le 14 février, je vais faire 53 ans, Saint-Valentin. Bon anniversaire en avance. Merci à la France. Merci. Et comme j'ai dit aussi, même les gens qui sont avec moi dans le bureau, comme on dit, de l'association, ils sont très, comme on dit, très bien avec les jeunes et qui essayent faire le minimum de, pour s'en sortir très bien, s'en sortir, c'est ce que je veux dire. Pour voir les choses dans le quartier, ça se passe bien, des choses dans le quartier. Un exemple, pour des sorties, pour ramener les... Voilà, je ne vois rien. Pour l'instant, moi, je ne vois rien pour les jeunes. Je ne vois rien. On ne voit rien, ce n'est pas la peine qu'on ferme les yeux. Mais avec le temps, Inch'Allah, si Dieu le veut, avec le temps, ça va se passer bien des choses. Merci, Kamel. Merci. Moi, j'avais une question à vous poser. On nous a parlé du fait que le quartier était en reconquête républicaine. Et que notamment là-dedans, en gros, on aurait une équipe de policiers volontaires ou gendarmes volontaires qui viennent et qui a des foot dans le quartier avec les jeunes. Et vous en pensez quoi des démarches comme ça ? Est-ce que vraiment ça aide dans le quartier ? Moi, je suis clair avec vous. Regardez, vous êtes là, vous êtes les bienvenus. Regardez là, vous restez, vous pouvez faire du café, du jus d'orange, ça fait plaisir, je vous remercie. Mais comment on peut dire ? Moi, je vois les choses là qui... Que vous êtes là, vous êtes bien accueillis. Il y en a personne, j'espère, il y en a personne qui ça va déranger. On a été super bien accueillis. Voilà, et ben les jeunes, ils sont super, très bien. On a fait des très belles rencontres. Moi, je pense que entre nous et avec les médias, avec les jeunes et tout, si nous aussi, on peut s'en sortir sans. C'est normal, la sécurité, c'est normal, comme tous les quartiers. Je suis pas contre de ça, mais on s'en sort très bien et c'est pas un souci de la police ou quelque chose. Il n'y a pas besoin de faire des foot. Voilà. Il faut dialoguer, on peut trouver un arrangement très bien. La police, ils font son travail. Et les jeunes, ils sont là pour... C'est normal, les policiers, pour la sécurité, pour tout le monde, c'est bien aussi. Voilà. Mais ce n'est pas pour les jeunes. Excusez-moi, c'est la sécurité pour l'autorité. C'est bien la sécurité. Même les gens, ils peuvent se promener tranquilles, sortir tranquilles, très bien. Mais comme on peut dire, on n'est pas à Chicago. Voilà. Comme je peux dire. Voilà. Mais c'est ça qui est beau aussi, je trouve, avec ce qui s'est passé ici. C'est qu'en fait, on s'est posé avec la caravane et on a été très vite acceptés. Quoi. Et du coup, maintenant, on rentre dans la MJC, on check les gars qui sont devant et tout se passe super bien. Et du coup, je trouve ça intéressant par rapport à ce que vous dites de la relation qu'il peut y avoir avec les médias. Voilà, en fait, on leur tend les micros, on est à fond avec eux. Et je pense qu'on est bien accepté et ça fait plaisir, quoi, parce que du coup, ça nous permet de faire des rencontres et de briser un peu justement ces barrières là de la méfiance envers voilà la radio. Bon, là c'est pas du tout la radio traditionnelle, donc évidemment ça apporte. Moi, je suis très content que vous dites ça, la réalité, la vérité. Voilà, ça se voit que vous êtes très accueillis, vous êtes les bienvenus. Et on voit des autres personnes, Inch'Allah, c'est de le vœu, à bientôt, qu'il y a d'autres personnes qui viennent comme vous, comme ça, que ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière fois. On va essayer, peut-être avec cette mission qu'on voulait faire. Bravo, moi j'ai dit bravo à vous tous. Et j'espère que ça continue dans les quartiers comme ça, pour on peut avancer des choses et en dialoguer avec les jeunes, comme ça la formation, ça va se montrer très bien. Merci, ouais, je vous remercie. Beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil, merci. merci. On passe à la suite. Quelle est la suite ? Eh, moi j'ai une petite anecdote avant, est-ce que je peux ? Vas-y. Il y a Léa qui nous a rejoint encore, dans la Caradoc. Et Sabine, la petite anecdote, en fait, c'est que elle est revenue tout à l'heure en me disant... Merci. Au revoir, Kamel. Elle est revenue tout à l'heure en me disant « Ça y est, j'ai demandé à maman et du coup, c'est bon, je vais faire l'atelier avec Lomé. » Du coup, je me dis « C'est génial, parce que du coup, la Caradoc, ça crée quand même du lien. Ouais. » Et qu'avec Laurence, ça t'a permis de pouvoir participer à cet atelier. T'as hâte ? Quel atelier ? J'ai très très hâte. T'as pas suivi les émissions ? Un atelier d'écriture il y en a qui travaillent. Avec un rappeur. Ah, mais c'est trop bien. Qui s'appelle Lomé. Voilà. Et c'était la petite anecdote. À l'équipe de Caradoc Créadoc. Ok. Bon, bah, chouette. Est-ce qu'on enchaîne, Camille ? Dis-nous tout. On pourrait se faire un petit quiz, une petite pastille quiz. Donc, on va écouter un son qui vient d'un endroit tout proche d'ici. Et il faut essayer de trouver quel endroit c'est. Il a dit à sa mère que je peux venir là. Et ma mère, le courant. Ouais, alors on lance, on essaye de deviner. Slata. Oui, il n'y a pas de soucis. Wolkhobs. Avec l'argent, il n'y a pas de problème. Sur place. On a la réponse de Léa qui nous dit que c'est le kebab. Exactement, oui. Comment tu sais que c'est le kebab, là ? Parce que je les connais et j'y vais à chaque fois tous les soirs pour leur rendre visite, tout le matin, dès que je vais au cours. Et tu vas faire quoi là-bas ? Souvent, j'achète des boissons, des sucettes. Le soir, j'achète un repas pour ma famille. Normal, c'est... Okay. Avec la viande de Cuba. Avec le patron et tout, donc oui, je les connais. Avec crudité, sont hyper sympas. Le bacon, c'est deux steaks. Et ben, on peut même l'écouter si vous voulez. On a une petite pastille où il raconte un peu son métier de kebabier dans le quartier. Ça dure 3 minutes. La voie du kebab, moi je connais. Et ouais, toi, est-ce que tu connais ? Tu y vas ? Je vais souvent au kebab. J'y vais des fois pour acheter un truc à boire et à manger. Et des fois, je vais là-bas pour leur dire bonjour par politesse. Ouais, en plus ils sont super sympas. Sympas. Des fois, eux ils connaissent mon père parce qu'ils sont amis avec mon père. Mon père il va tout le temps de toute façon. Pour discuter, pour papoter, tout avec ses copains. Arabes ou maghrébins. Entre maghrébins, c'est des copains kabyles. Avec les hommes et tout, là, entre monsieur là. Ah. Entre pères. Ah, y'a pas de femmes. Les femmes ils restent chez eux. T'as des femmes qui vont, y'a des femmes qui vont pas, ils restent chez eux pour faire la cuisine. Les femmes arabes en plus. Ah, donc les hommes en fait ils vont manger kebab pendant que les femmes font à manger pour les enfants ? Et parce que les femmes ils vont chez eux et les hommes ils, des fois ils l'achètent, des fois ils l'achètent pas, des fois ils papotent. D'accord. Entre eux, entre pères, comme il est âgé. Pareil dans sa religion à lui. Entre eux, entre pères. D'accord, donc c'est important pour eux de discuter entre pères. Entre pères, ouais. Des fois il y a des femmes françaises qui vont. Des dames françaises ou des fois les Français y vont comme filles, des fois ils achètent que pour acheter et des fois ils y vont, ils y vont pas. D'accord. Certains aussi. Ben on peut peut-être écouter, je crois qu'il raconte un peu qui vient, comment ça se passe quand les gens viennent. Ici c'est Basso, c'est la grande arène. Le magasin ? Le magasin c'est le Okibab, c'est à côté c'est le Opizza, donc voilà. Et ça fait combien de temps que ça existe ? Depuis 2010, il y a un kebab ici. Okay. Et entre-temps, ça a fermé, je crois. Non, ici, après à côté, et après vous êtes revenu ici. Voilà. C'est le seul kebab. Dans le centre commercial, c'est le seul. Okay. Mais dans le quartier, il y a plusieurs. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans le quartier ? 10 ans. 10 ans ? Est-ce qu'il y avait plus de commerce, moins de commerce par rapport à maintenant ? Non, ça varie. Il y en a même moins, je crois. Ouais. Non, après, il y a que depuis 2010, c'est ouvert là. Le centre commercial, il est ouvert, je crois, depuis 2010, ou 2009. En fait, dans le centre, on est 3 ou 4 commerçants. Alors que normalement, on est plus de 10 ou 15. Après, le quartier, c'est le quartier. Hein. On servit, hein. c'est trop dur. Hein. C'est pas à part rester ici, c'est un quartier, tu pars en ville. Hein. Les gens, ils touchent pas beaucoup d'argent. Hein. Voilà. Donc, on travaille le début du mois jusqu'à 15. Après le 15, c'est juste. Hein. Donc voilà. Voilà, c'est bon. Un chèque ou espèce ou carte bancaire ? Non, je te ramène des sous. Crédit ? Oui, crédit. Fin de mois. Enfin, dur. C'est dur. Hein. On est à la fin, là. C'est terrible. Le même au milieu du mois. On pleure là. Hein. Et au début du mois, c'est rempli. Au début du mois. Et d'abord, ça fait la queue jusqu'au bout là-bas. On est obligé de se battre pour venir là. Ok. Et vous pensez que c'est pour ça que le coiffeur et la boulangerie, ça a fermé? Parce que c'est compliqué? Ah ben oui, déjà il y a un boulanger qui ouais, il a déclaré faillite, ça fait pas longtemps. Ah ouais? Ben oui. C'est pas, si on travaille pas, on peut pas. Même la poste est libérée à Basso. Le shérif de Basso, il nous l'a volé, la poste. Pris à la foire, et il y avait la frappe deux fois par mois. Et ils étaient à Chanzy, ils ont ramené ici. Ben c'est bien. Deux fois par semaine, enfin deux fois par mois, ça bouge, il y a les gens qui viennent. C'est... Il y a quoi sur la foire? Il y a le marché, il y a tout. Il y a plus de mouvements. Ils vendent des vêtements, ils vendent des sardines. Maillot, maillot, harissant. Ça bouge beaucoup même. Maillot, toute la sauce, alors, tu sais bien. Ah bah oui, comme d'habitude. Harissant chouillant. Un maillot, un mayonnaise et un mes harissant. Harissant chouillant. Allez-y les gars, j'arrive avec le boulet. Quatre personnes pour une assiette, hein. Pardon? 4 personnes pour une assiette. Ouais, ça se voit que c'est pas le top, hein. Ouais. Voilà, donc, Il faut être bien pour 4 personnes pour un sandwich. C'est le quartier, quoi. C'est normal. C'est normal, hein. Ils ont pas beaucoup d'argent. Ils veulent manger. Aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, d'ajaj. Alors, je vais te marquer. Vous savez les Français? Prochaine fois, tu peux l'appeler. C'est un quart de poulet. Ok, ça marche. Merci. Salut. Bonjour. Comment allez-vous? Impeccable. Ça fait longtemps, ma vie. Ça va longtemps. Oh là là. Et maintenant, je reviens. Et ça vous arrive beaucoup de faire crédit, du coup? Oh, non. On ne peut pas faire pas tout le monde. Les gens qu'on le connaît, si on le fait, sinon, on est mort. Hein? C'est ça. Mais parce que là, on fait ça pour plaisir. Pour les gens qu'on connaît, pour les dépanner. Ouais. Mais on ne fait pas tout le temps ça. Hein? Sinon, c'est mort. Vous habitez dans le quartier? Oui. J'habite ici. J'habite en face, là. Je ne suis pas loin. C'est comme ça qu'on vient se donner crédit. Moi, je viens tout le temps, là. Je ne peux pas ailleurs. Quand j'ai la flemme de faire quelque chose, viens là. Vous allez manger un poulet à vous tout seul? Non, on est deux. Okay. Non, quand même. C'est bon, ouais. Ah oui. On va pas n'importe où, mais on va clair. Voilà. Et après le kebab, on continue parce qu'on commence à avoir un peu faim. Et du coup, on se fait juste une petite pause musicale. Et puis, on reprend dans la caravane. En attendant, on mange des gâteaux. Ouais, un peu mouillé. Au moment où il lève son arme vers vous, vous déviez le canon, vous lui mettez les deux doigts dans le nez, vous avez sur vous un rouleau de scotch, vous l'attachez, vous appelez la police et vous le livrez directement. Vous venez à la Caradoc, samedi 1er février, de midi à 14h. C'est la grande débrouille sur le 101.1. Radio ad hoc, avec les doigts dans le nez. Lost the sleep down at the the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so giddy, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge, I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Pâtisserie, empoisonnée, la belle pâte à coudre, et un peu de sucre en poudre. It's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night, can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone, scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation, can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Oups, pardon. Non. Et voilà, c'est fini. Et on va l'avoir dans la tête pendant 6 mois. Et pendant ce petit interlude musical, il y a Hakim qui nous a fait penser à un truc dans la débrouille auquel on n'avait pas pensé, c'est l'amour. Comment on se débrouille pour trouver l'amour, Hakim? Vas-y, on t'écoute. C'est le moment. Pour faire des bébés, il faut faire l'amour pour faire des bébés. Pour faire l'amour, soit dans un nid, soit... Dans un nid, ouais, on fait des œufs, on les couve. Les œufs, on les couve. Pour faire l'amour, faut faire l'amour soit dans un nid et soit dans le lit. Et voilà. Mais dans le lit, ça fait pas des œufs du coup. Dans un lit, ça fait pas des œufs. Faut sucer. Ouais, non, là t'abuses un peu en fait. Non, tu fous de notre gueule, c'est moyen. Pour faire l'amour. Non, c'est bon, avec on te coupe le micro. Ouais, on a du coup, on va préparer des trucs. Faire des bébés. Allez, c'est parti. En fait, c'était pas du tout ce qui était prévu. Faire des bébés. Allons-y. Flo, coupe le micro là-bas. Coucou. Coucou, il y a Léa qui veut parler, je crois, et qui nous parlera d'autre chose que de faire l'amour. Déjà pour faire l'amour, Vas-y, on t'écoute. Alors, pour trouver l'amour, en tout cas, il faut discuter avec celui que tu aimes. Tu dois lui dire tous ses sentiments. Et après, s'il veut ton numéro, tu peux lui demander d'accord. Après, vous parlez, vous vous donnez des rendez-vous et après, ça commence. Et toi, tu me disais, ça fait 6 mois que tu es avec ton chéri ? Exactement, oui, 6 mois. Et tu lui écris, là, dans la Caradoc, je crois ? Oui. T'es mordue ? Non. Pas du tout ? Si, un petit peu. Un petit peu. Bon, et vous entendez bien. Oui, voilà, on s'entend très très bien. Vous êtes rencontrés comment ? Alors, on s'est rencontrés quand il est arrivé, en 6e, et donc moi aussi. Et en fait, il me regardait à chaque fois, donc j'ai envoyé un petit mot pour savoir ça va et tout. Il m'a dit oui, je t'aime. Alors après, j'ai commencé à rougir un petit peu. Oui, il me l'a dit à cache directement. Après, on a papoté. Et après, il m'a dit tous ses sentiments, et moi aussi. C'est trop beau. Elle se débrouille bien, les gars. Ouais, c'est clair. Je sais le dire maintenant. C'est bon, mesdames, excusez-moi. Et du coup, moi, je me demandais, est-ce qu'au collège, qu'est-ce que vous pensez de Tinder ou des trucs comme ça pour se rencontrer et pour trouver l'amour quand on le trouve pas ? Alors, hochement de la tête, ça veut dire quoi ? Bah, j'hésite en fait. Tu sais pas trop ? Non, je sais pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a... Souvent, dans les cours, depuis qu'on est ensemble, souvent, il parle avec mes amis, moi je parle avec ses potes, donc on n'a plus le temps de se revoir en fait. On se téléphone quand téléphone ou on s'envoie des messages. Ah, donc le téléphone, oui. C'est important pour rester en contact. Mm. J'attends là. Ok. Puis c'est pas... Et est-ce que tu lui as écrit une chanson à lui? Non, toujours pas. J'attends encore. Parce qu'on rappelle que Léa écrit des chansons. Oui, j'écris des chansons, oui. Et Léa, tu veux nous en chanter une aujourd'hui? Non. Une autre fois alors? Oui, peut-être. Okay. Peut-être que demain, tu peux nous en préparer une. Demain, c'est un petit peu la fête. On va faire un repas partagé. Mmh. Ouais, on peut venir tous manger ici ensemble. Et après, on va faire le lancer de charentaise. Oh, donc, c'est un jeu. Et d'accord. Donc, si tu veux, si tu as besoin de te préparer un petit peu, tu peux choisir une chanson. Okay. Comme ça, tu t'entraînes un peu. Et puis, demain, tu nous la chantes. Ouais. Faire un petit intermède musical. Ce serait super, en tout cas. D'accord, pas de problème. Super. Je vais venir demain. Ouais. Et vu qu'on parlait de téléphone, je crois que Flo a vécu une petite aventure aussi. Je sais pas si c'était une aventure amoureuse, mais en tout cas, voilà. Enfin, c'était aussi une ouverture vers le quartier. Et tu nous racontes, Flo ? Ouais, je vous raconte. Alors, je suis allée à la maison des habitants. Et j'ai enlevé mon casque parce que c'est ça. Je sais pas, mais je suis allée à la maison des habitants et directement je suis tombée sur une personne qui me demandait de l'aider. Et on parlait de ça hier en préparant l'émission. En fait, la débrouille, soit on se débrouille tout seul dans son coin. Soit on demande de l'aide en fait. Et là, quelqu'un était en galère et une vieille personne qui savait pas ce qui se passait avec son portable, il y avait une déconnexion. La veille, il avait appelé au Maroc, il avait acheté une toute nouvelle carte SIM, il avait rechargé son portable. Et là ça marchait plus, donc il était en galère et il m'a demandé directement est-ce que vous pouvez m'aider. Il y avait des problèmes de compréhension, mais ça a pris le temps qu'il a fallu. Mais voilà, on a réglé le problème. En fait, il n'avait pas l'adaptateur pour le mettre et c'était ça. Mais c'était intéressant. Moi, j'aime bien en fait pouvoir prendre le temps quand je suis interpellée pour trouver une rue, pour chercher... quand il y a besoin d'aide, en fait, j'aime bien pouvoir prendre le temps. Je suis dégoûtée à chaque fois que j'ai pas le temps et que je dois courir. Parce que c'est des rencontres que j'aime bien, même si elles sont courtes. Voilà. Un peu dans le même style. Moi, je me souviens chercher la maison des habitants dans le quartier et je la trouvais pas. Et une petite fille a vu que je galérais. Et en fait, elle m'a accompagnée, elle a fait tout le chemin, les 10 minutes avec moi jusqu'à la maison des habitants. Et c'était trop chouette qu'on a discuté sur le chemin. Et elle a pris le temps pour moi. Enfin, c'était vraiment cool. Hier, il parlait hier. C'était juste une petite rencontre éphémère. Il téléphone rien maintenant. Il y en a déjà et donc, on parlait un fois hier soir. Alors, on va peut-être passer à la suite parce qu'en fait, leur tourne. Et en fait, j'aimerais pas mal vous parler de la situation de l'accès aux soins dans le quartier. Alors, ce qui se passe dans le quartier, c'est qu'il y a un centre médical. Avant, il y avait 3 médecins dans le quartier. Il y a 10 000 personnes sur le terrain, dans le quartier. Et il y avait 3 docteur, maintenant il n'y en a plus qu'un qui est salarié qui est employé de Girac, donc qui est un médecin public avec une structure publique qui accueille les personnes du quartier. Mais ce médecin est absent en ce moment. Il est absent pour 3 semaines, donc toutes les personnes qui peuvent être malades cet hiver là, en ce moment, en fait sont recalées et c'est un gros problème à Angoulême de trouver des médecins rapidement. Donc voilà, ce qu'on va entendre, c'est que ça engorge très rapidement les urgences et que c'est un problème. Et j'ai rencontré les personnes du centre médical qui sont dans des conditions de travail dures par rapport à ça, parce que parfois ils doivent recaler des gens et que c'est très compliqué quand les personnes sont malades. On peut écouter le son. Bonjour, votre correspondant est en ligne. Merci de bien vouloir patienter. Nous allons donner suite à votre appel. sommes déjà en ligne. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Merci. Michael Médical, bonjour. Bonjour, j'aurais besoin de prendre rendez-vous, un rendez-vous de médecin. Quel médecin vous suit ? J'ai pas de médecin traitant à Angoulême. Ouais, mais là, malheureusement, c'est que on est rendu à 3 semaines, 1 mois et on peut pas prendre de nouveaux patients du coup. 3 semaines, 1 mois ? Oui. C'est énorme ! Eh oui, c'est énorme, c'est pour ça qu'on peut plus prendre de nouveaux patients. Bon, alors, nous on ne prend plus vraiment que dans le quartier parce que j'en suis au mieux fin de semaine prochaine. J'ai pas avant. C'est pour ça qu'on ne prend plus de nouveaux patients en dehors du quartier. D'accord, et les personnes qui sont dans le quartier, c'est pas un problème pour elles ? C'est-à-dire ? Une semaine d'attente. Oui, mais j'ai pas mieux. Bonjour. Soins enfants, cheveux, ongles, diététiques, soins pieds, mains. Acné. Il n'y a pas soin voix. Y a... Ah, maux de gorge. Non, c'est pas ça. Ah, maux de gorge. On se rapproche. Hein. Voilà. Entre la toux, le rhume et le maux de gorge, on est pas loin là. Le cocktail qui t'est promis, c'est de la lysopaïne du drill. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ah bonjour, oui c'est moi, j'avais oublié. Et voilà, moi je fais partie de l'équipe Caradoc et ça y est, j'ai plus une voix. Alors est-ce c'est que dommage. Ouais, depuis hier je tousse, j'ai comme de la poussière dans la gorge. Oui. Vous savez, Angoulême, la Grande Garenne, c'est un désert médical et puis j'ai pas le temps de trouver un médecin. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez m'aider ? J'ai un peu mal à la gorge et puis surtout là j'ai la voix qui est en train de... Oui, je peux vous donner quelque chose. Ouais. Un colutoire. Anesthésique et puis qui va vous soulager. D'accord. Ça pose pas de problème. Et... La voix, pour l'enrouement, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, hein, c'est, le mieux c'est un spray pour la gorge. Quoi. D'accord. Voilà. Si je pouvais venir m'interviewer. Oui. Vous interviewer. Sur quoi? Sur l'accès. Coucou. Ça revient. On revient à l'endroit où on a coupé le pharmacien. Vous savez, Angoulême, la Grande Garenne, c'est un désert médical. Et puis j'ai pas le temps de trouver un médecin. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai un peu mal à la gorge et puis surtout là j'ai la voix qui est en train de. Oui, je peux vous donner quelque chose. Ouais. Un colutoire. Anesthésique et puis qui va vous soulager. D'accord. Ça pose pas de problème. Et... La voix pour l'enrouement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vraiment, hein, c'est le mieux. C'est un spray pour la gorge. D'accord. Voilà. J'avais demandé si je pouvais venir. M'interviewer ? Oui. Vous interviewer. Sur quoi ? Sur l'accès médical dans le coin. Je pense que c'est général. Partout, il y a un gros problème de. Il n'y a pas assez de médecins. Tout simplement. Donc, voilà. Et ça pose quoi comme problème, par exemple ? Ça pose que ça engorge les urgences. Puisque nous, quand la personne a besoin de voir le médecin et qu'il n'y a pas de médecin, nous, la seule solution qu'on a, c'est de les envoyer sur les urgences, alors qu'ils, normalement, n'ont pas à y aller. Parce que leur pathologie ne relève pas des urgences. Mais après, on n'a pas de solution. Puisque s'ils ont une angine, s'ils ont, peu importe, s'ils ont besoin de renouveler leur traitement, puis que le médecin n'est pas là ou est en vacances, ou n'a pas fait le renouvellement, ben, on est coincé. Donc... On n'a pas le droit de donner les médicaments sans l'ordonnance. Donc c'est vraiment un gros problème, oui, effectivement. Mais c'est général. Hein. Ici, dans le quartier, du coup, en tant que pharmacien, vous faites un peu... c'est un peu, j'ai pas envie de dire le centre de santé, mais je veux dire, les gens, ils viennent quand même faire appel à vous. Tout le temps. Tout le temps, ils viennent pour prendre leur tension, pour faire leur glycémie, pour, parce que leur glycémie va pas, ils viennent nous voir qu'est-ce que je dois faire. Donc nous, on est ouverts tout le temps. Donc on est tout le temps là, donc on va pouvoir leur donner tous les conseils qu'ils veulent. Je suis capable de savoir si quelqu'un a son diabète qui va pas très bien, s'il peut augmenter sa dose d'insuline ou la diminuer, ça je suis capable de le faire. J'ai les compétences pour le faire. Voilà. Donc on sert à tout. On fait de plus en plus de social, on accompagne les gens, on va chercher les ordonnances chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer. On passe notre temps, on sort au moins, une dizaine de fois par jour. Pour aller chez les gens, chercher les ordonnances, ou aller les dépanner, ou même les emmener carrément aux urgences s'ils n'ont pas de véhicule, s'ils sont tout seuls. quelquefois, c'est mes employés. Je détache une de mes employées parce qu'ils ne viennent pas comme ça. Hein. Vous appelez pas une ambulance ou un pompier, les pompiers comme ça, ils ne viennent pas en un tour de main. Il faut que ça soit justifié. Alors, quelquefois, bon, bah, la personne est blessée, elle a besoin de points de suture. Bon, on ne va pas forcément appeler les pompiers. Bon, bah, si j'ai une de mes employées qui est dispo, bah, elle l'emmène aux urgences. Et puis, voilà. Et puis après, il se débrouille là-bas. Vous êtes implanté dans le quartier depuis combien de temps ? 35 ans. J'ai racheté la pharmacie il y a 35 ans. Et comment vous avez décidé de vous implanter ici ? Le hasard. C'est totalement le hasard parce que je ne suis pas d'Angoulême et je ne suis pas charentais. Donc, mais je suis très bien ici, par contre. Je suis mieux ici qu'en centre-ville. Et les personnes ici, le contact est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus proche des gens, parce que justement, on est là pour rendre service. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de nous, beaucoup plus qu'en centre-ville, où les gens ils sortent en carte bancaire, ils achètent, et puis passent à autre chose. Là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, donc on est obligé de... Ben, quelquefois, on leur donne, on leur fait cadeau d'un médicament, quoi. Je veux dire, je ne vais pas faire payer. Je vais pas faire payer une botte de Doliprane à quelqu'un qui n'a pas un rond, qui a une botte de Doliprane. C'est tout. Donc on fait beaucoup de social, beaucoup plus, depuis au moins une dizaine d'années. C'est pas mon rôle, mais ça me dérange pas de le faire, par contre. Le problème, c'est le quotidien, tout simplement, voilà. La personne qui a de l'attention, la personne qui est diabétique, la personne qui a du cholestérol, qui a un traitement classique, et puis ben voilà, il a un rendez-vous que dans 15 jours, il a plus de médicaments, bon ben, on va lui avancer. Et voilà. Merci. Bon ben, bonne soirée. Alors, pulvérisation buccale, posologie, une pulvérisation 4 à 5 fois par jour. Ah mais oui, voilà, adulte. Bon allez, c'est parti. La la la. Écoutez-nous. La grande débrouille. Et c'est quoi comme véhicule ? Sur Radio Adoc. Il faut me donner la réponse. MKB booster. Voilà, un booster alarme. Donnez votre réponse alarme. 101.1. 101.1. Attendez, marqué 101.1. Coucou. Est-ce qu'on entend Kevin qui klaxonne en direct? Hey Kevin, a fait prout prout là avec ton truc. Nut nut. Notre Kevin, il en fallait un. On l'adore Kevin avec son scooter. Salut Kevin, t'es en direct. Et ça va mieux, Julia, ta voix alors ? Eh ben oui, la oui, la la la. Parfait. Pour ce matin, en tout cas, on t'a bien entendu. Ça aurait fait une très bonne pub. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans l'émission ? Kevin, tu veux faire du tutut ou pas ? Tu veux nous faire un concert de klaxon ou pas ? Ah, bon, il y a des problèmes depuis tout à l'heure avec le fameux véhicule. Il est fait de briques et de broc comme la Caradoc, ce scooter. Quoi ? Non, mais ouais. Arrête avec Hakim. Alors, à quoi on passe, Camille ? Bah, alors on s'écoute un tout petit son. Il faut deviner parce là, que ça marche. Il y a du tut-tut, hein. Je sais pas si vous entendez, mais. Voilà. Donc. C'est pas normal, je pense. Il va être malade. On est là, on est en train de se faire saccager l'émission par Kevin. Non, ça fait un peu canard, non ? Kevin, tu. C'est plus possible. Bon, c'est bon. On va finir l'émission avec ça en bruit sonore, en bruit sonore, en fond sonore. On s'écoute un mini son. Il faut essayer de deviner où est-ce que c'est. Vous êtes prêts ? Ah, j'étais pas prête. Attention. C'est parti. Faut envoyer les potards parce que là, il y a Kevin. C'est plus possible. Ouais. En fait, on n'entend pas, ça fait bruit blanc un peu. C'est abstrait. Ouais, en fait, c'est le bruit du sèche-cheveux. du sèche-cheveux pour Nino, le chien qui était sur la table de toilettage quand je suis allée chez la toiletteuse pour chien. Du coup, on va finir l'émission en écoutant le petit son que tu as fait chez le toiletteur et on s'enchaînera une musique et ça sera la fin de l'émission. Ok, alors c'est un des services qu'il y a dans le quartier. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, il y a ceux qu'on a entendus. Mais elle parle de son métier de toiletteuse. Ouais. Et voilà, on va entendre ça. Et du coup, bah, on n'aura pas eu le temps d'en discuter, mais on se demandait si les chiens et chats, c'était aussi du lien entre voisins. Mais de toute façon, on est un peu toutes seules pour en discuter maintenant. Moi, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Ah, ouais, je vois. Ah, bon, est-ce qu'on se... Vas-y, est-ce que t'as... Bah, moi, en tout cas, j'ai eu des animaux, donc je peux vous dire plein de choses sur les chiens et les chats. Et niveau débrouille, il faut se débrouiller avec les chiens et les chats ou pas ? Bah, les chiens, quand ils aboient, en fait, c'est juste pour jouer ou pour protéger la maison. Et les chats, c'est quand ils ont faim ou que... Bon, en fait, il y a différentes manières de savoir quand ils veulent sortir, quand ils veulent jouer. Il y a différents aboiements, en fait. Et miaulements, donc... C'est un petit peu difficile quand tu en as plusieurs, mais après dès que tu en as un ou deux, c'est facile à voir. Et quand on les connaît bien, c'est plus facile de comprendre voilà, ce qu'ils veulent. Oui. Et puis ma maman aussi, elle aime bien les gros chats et les gros chiens, donc c'est une experte. Donc je m'y connais maintenant. Et du coup tu parles le chien et le chat. Oui, je les comprends. C'est magnifique. Et toi, Flo, du coup, t'as appris à parler le chien et le chat, du coup, ou pas du tout ? J'ai un peu appris à parler le louki chez toi. J'ai appris à le connaître pendant une semaine, mais chaque chien est différent. Une semaine ? Ça fait trois semaines que t'es chez moi. Merde ! Ça balance. Je t'aime, Marie. Moi aussi, je t'aime. Mais voilà, donc j'ai appris à connaître Louki. Et là, Nino, il avait l'air bien sur sa table, mais il avait l'air d'être dérangé un peu par le peigne. À part ça, ça allait. On va voir si la toiletteuse sait parler le chien aussi. On parle du chien, là. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est déjà bien occupé. Oui. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, parler de votre métier, si... Comment il s'appelle, ce chien? Alors, il s'appelle Nino. Et c'est donc un fox. Un fox terrier, c'est ça? Un fox terrier. Là, vous allez tondre? Bah oui. En forme pratique, on va dire. C'est-à-dire tout rasé, sauf la tête. Là, voilà. Vous êtes du quartier? Oui. Oui, enfin, ça fait 5 ans que je suis là. Parce qu'on se demande comment ça se passe au niveau des services, tout ça. Parce que, en fait, il n'y a pas énormément de services. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ça manque beaucoup de choses. Avant, il y avait quand moi, je suis venue m'installer ici, parce que j'avais l'appartement derrière, j'étais contente parce qu'il y avait une supérette. Et bah, la supérette a fermé peu de temps après. Donc maintenant, c'est un peu... Il n'y a plus grand-chose. Alors, il y a le boucher qui a déménagé, qui a pris plus grand et qui fait un petit peu d'épicerie, enfin, c'est quand même pas mal de choses, mais c'est malgré tout pas une supérette, quoi. Ce qui fait que les gens, c'est un peu compliqué. Pour certaines personnes qui n'ont pas de quoi se déplacer et tout, c'est quand même un peu compliqué. On se calme. Arrête. Alors là, je me méfie parce que ça a une bonne mâchoire quand même. Hein. Vous avez déjà plus de mordre ? Alors, j'ai toujours esquivé, mais quand je sens que ça va venir, je mets mes œillères. En principe, on arrive à repérer par rapport à la, comment dire, au regard et aux attitudes du chien. On arrive à voir si, au bout d'un moment, ça ne va pas l'énerver. Et comme je voudrais que ça va, le jour où j'en ai plus, j'arrête parce que je vais avoir très vite. Si je n'arrivais pas à enlever la main à temps... Quand je suis arrivée, j'avais l'impression que c'était un petit peu un petit village, parce que tout le monde se parlait, là, au niveau des maisons et tout ça. C'était, je trouvais ça très sympa. Mais il y a des choses qui essayent de se faire ici, mais c'est pas simple. Mais bon, voilà. Ça, c'est la réputation de la Grande Garenne, où il se passe des choses, des fois. Attention, parce que je vais mettre à l'eau. En fait, on ne connaît pas tellement ce métier. Quand on est à l'école, enfin au lycée, quand il faut choisir l'orientation, jamais personne ne vous parle de toilettage de chien. On parle toujours, je sais pas, moi, coiffeuse, mécanicien, boulanger, à la limite, informaticien, enfin, bon, c'est toujours les mêmes métiers qui reviennent. Et tous les autres métiers, parce qu'il n'y a pas que le toiletteur, il y a plein d'autres métiers complètement inconnus et dont on n'entend jamais parler. Donc en fait, après, ça vient ben, comme ça, hein, par hasard. Là, ça a été le plus grand des hasards. Hein. Jamais j'aurais pensé faire ça. Ils m'ont plutôt crevé qu'au fond de la caravane. Lancée de charentaise, soupe à l'oignon. Radio Adoc, sur le 101.1. Aérodynamisme des charentaises. Retrouvez-nous dimanche à la Grande Garenne pour l'incroyable lancée de charentaise de la Caradoc.